Francis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, il est 20h30 tout pile, on est en direct pour 2 heures d'émission de la Red Arc du Sport sur Radio Arc-en-Ciel. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. On va revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète sport, beaucoup de choses encore qui se sont passées. On va évidemment consacrer une grosse partie de l'émission comme d'habitude au football à partir de 21h où on retrouvera Hugo. On reviendra sur, bien entendu, la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions, après son nouveau succès sur Liverpool 2-0. Il y a les autres résultats, bien sûr, le match face au Bayern qu'on va commencer à évoquer. Bien sûr, sur cette demi-finale aller, d'abord dans 15 jours maintenant. Dans la semaine prochaine, pardon, ce sera le match aller dans 15 jours, le retour. Ça va vite arriver déjà. On va se pencher là-dessus, on va revenir sur ce qui s'est passé aussi dans les championnats, en Ligue 1, la défaite de Paris hier face à Lyon, voilà, qui relance totalement le championnat, que ce soit pour le titre, pour l'Europe. Voilà, donc il s'est vraiment passé pas mal de choses ce week-end. Pour le maintien aussi, on va y revenir, hein, parce qu'il y avait des matchs en jeu ce week-end, pour le maintien, pour Nantes, pour Auxerre. Voilà, on va revenir sur tout ça, et puis bien sûr sur ce qui s'est passé aussi en national du côté de l'USO qui s'est imposé difficilement avec CR 2-0, mais qui a un succès qui va compter, évidemment, puisque l'USO est plus que jamais en course pour la montée, qui est dans la course, donc voilà, tout peut encore arriver dans cette fin de saison. Et puis à l'étranger aussi, où ça a relancé un petit peu le titre aussi en Angleterre, puisque Arsenal a été battu par Manchester City hier. On va revenir sur ça. Le titre aussi en Coupe du Roi pour la Real Sociedad qui a battu l'Atlético Madrid en finale. Le tir au but, on reviendra aussi sur ça. Et puis bien sûr le reste de l'actualité sportive. Comme d'habitude, on aura du basket avec l'OLB qui va mieux. Le handball aussi, ça va très bien pour Saran. Voilà, tout ce qui s'est passé aussi en tennis. La victoire d'Arthur Fils à Barcelone hier avec un nouveau titre pour lui. Et puis du rugby aussi où on arrive tranquillement bientôt en fin de championnat phase régulière, on va attaquer bientôt les playoffs, donc on va revenir sur tout ça. Et puis des directs que l'on suivra comme d'habitude, 20h45 de rencontre, la Ligue 2 Dunkerque Laval, match important aussi hein, pour Dunkerque, voilà, pour encore peut-être espérer quelque chose, même si voilà qu'il y a un petit peu décroché voilà dans ce classement de Ligue 2. Laval de son côté qui joue le maintien, hein, qui pour le moment barragiste, donc voilà, ça va se jouer à peu de choses, donc c'est très très serré dans ce classement aussi de Ligue 2, donc un match important pour ces deux équipes. On aura aussi à 20h45 donc, l'Italie, Lecce face à la Fiorentina. Voilà, pour Lecce, là aussi, c'est le maintien qui est en jeu ce soir, qui pense en 18e, un point seulement derrière la 17e place. Donc voilà, vraiment, c'est un match très très important pour Lecce. Et puis pour la Fiorentina, eh bien, ça a un tout petit peu mieux, hein, 15e avec 35 points. Mais là aussi, il serait intéressant de s'imposer pour se donner un petit peu d'air dans ces matchs à enjeu. Donc voilà, un petit peu... pour l'instant où on se trouve donc dans cette Serie A, donc on bien sûr on parlera tout à l'heure bien entendu. Voilà pour les directs de 20h45, et puis à 21h l'Angleterre, là aussi c'est un match important entre Crystal Palace et West Ham, d'autant plus pour West Ham hein, qui en cas de victoire pourrait vraiment s'éloigner de la zone rouge et prendre 4 points d'avance sur Tottenham. On va le rappeler qui est relégable une nouvelle fois. Crystal Palace qui n'a plus rien à jouer, hein, trop loin des places européennes. En tout cas pour en ce qui concerne la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa, ça peut encore peut-être se jouer, mais voilà, c'est vraiment le dernier espoir Et puis pour la relégation, bien c'est déjà bien avancé pour eux. Donc voilà, ce sera peut-être, en tout cas, la possibilité d'aller chercher un petit peu mieux. Donc dans ce championnat. Voilà donc pour nos directs de 21h. Voilà, on aura Hugo donc à 21h bien sûr. Tout à l'heure pour évoquer tout ce qui s'est passé en foot, et puis d'ici là du son comme d'habitude, plein de choses. Donc encore un programme assez chargé, puis les pronostics pour terminer en fin d'émission bien sûr. Comme d'habitude, voilà le programme de ce soir. Il est donc 20h35. Si vous nous rejoignez, bien, on est ensemble pendant 2 heures. Pour nous écouter, radio arc-en-ciel.com ou bien entendu la 96 de FM, la fréquence évidemment que vous pouvez écouter partout. Et puis bon, pour nous joindre, 02 38 434 800, c'est le standard. Voilà, vous pouvez nous joindre, bien entendu. Allez, l'arrêt d'Argus Sport, ça démarre maintenant. 96.2 la FM en couleur. Et démarrons donc cette émission avec du handball. Je vous le disais, eh bien ça se passe bien pour Saran en Pro League, deuxième division. Il y avait un match important qui se déroulait la semaine dernière pour Saran. C'était rencontre face à Ivry, hein, qui était vraiment très importante voilà pour tout simplement rester dans le coup, hein, dans ce championnat, hein. Donc ça c'était donc à domicile, large victoire face à Caen, 42-28, vraiment ils ont mis des ingrédients pour s'imposer, et Saranais qui était déjà bien en avance à la mi-temps puisqu'il y avait 22-15. Donc voilà, victoire face à Caen très important qui permet donc à Saran de revenir dans le coup. Et puis il y avait un autre match ce week-end, Saran qui était exempt, mais c'était important aussi puisqu'il y avait le match entre Caen justement qui était troisième et Pau Bilière le leader, et c'est Caen qui s'est imposé finalement 30-29. Donc ça s'est joué à peu de choses, mais très important ce résultat puisque ça permet de resserrer vraiment tout le monde pour rester leader avec 37 points. Saran, Ivry et Caen sont à 36 points, donc un point derrière, et puis Ponto Combo à 34 points, toujours en embuscade. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un résultat important. Saran plus que jamais en course pour aller chercher la montée. On rappelle qu'il sera le seul dans le premier, hein. Ensuite, il faudra passer par un barrage entre les équipes de classer la deuxième à la neuvième place. Donc voilà, il est important évidemment d'aller chercher cette première place. Donc un point seulement de retard sur Pau. Il reste encore 3 matchs donc pour essayer de d'aller chercher cette première place. Forcément Saran n'aura pas son destin en main puisque pour le moment Pau est devant avec 1 point, mais il faudra gagner ces 3 matchs. Donc le premier de ces 3 matchs, ce sera vendredi avec un match à domicile face à Sarrebourg. On rappelle, hein, pour le coup, que Saran va jouer que des équipes moins bien classé. Sarrebourg qui est 12e, voilà, avec 15 points, mais qui est toujours sous la menace quand même d'Angers, pour l'instant relégable, hein. Donc ce sera pas forcément plus simple. En ce qui concerne, eh bien, pour ce sera la réception de Massy. Ensuite, on aura la semaine prochaine Saran qui se déplacera à Massy, donc justement qui est là aussi mal classé, hein, qui pour l'instant est 13e, donc là aussi qui est concerné aussi par la relégation. Donc ça sera pas forcément simple, toujours ces équipes. Et puis pour Massy, Pau, ce sera réception de Ponto Combo qui joue aussi la montée, donc ce sera pas facile pour Pau. Et puis enfin la dernière journée, le 7 mai, tous les matchs à 20h30, important puisqu'il y aura Ivry face à Pau, Ivry qui joue aussi la montée. Donc voilà, ce sera peut-être un faux pas, on espère, pour Pau sur cette rencontre. Et puis pour savoir, il faudra gagner absolument face à Angers, pour l'instant dernier, qui sera peut-être d'ici là déjà condamné. Donc voilà, ça rend qui joue les 3 derniers du classement. Mais je vous l'ai dit, c'est pas forcément plus simple. Et pour Pau, il y aura deux de ces 3 matchs face à des concurrents directs. Donc voilà un petit peu les deux calendriers, hein, de ces deux équipes pour essayer de se qualifier directement pour remonter. Et puis auquel cas, il faudra passer par un play-off, hein, toujours compliqué. Mais voilà, on espère que ça pourra le faire avant pour Saran. En Star League, statu quo en tête, hein, Paris, Nantes toujours Premier, deuxième à 2 points d'écart. Paris a été battre Limoges samedi, alors que hier Nantes a battu Montpellier dans un des chocs aussi de ce championnat. Et donc, toujours 2 points d'écart. Alors, on rappelle que les deux se rencontreront lors de la 28e journée. Là, c'était la 24e journée. Donc, ce sera le 27 mai prochain, Paris face à Nantes. Donc, voilà, pour Paris définitivement. Peut-être entériner le titre, et puis pour Nantes, sera la dernière occasion de revenir peut-être à hauteur de Paris. Donc ce sera le tournant peut-être évidemment de ce championnat. En Ligue des Champions, on rappelle que Nantes est le seul qualifié pour les quarts de finale, qui affrontera le FC Barcelone la semaine prochaine en match aller. Et puis pour les filles, c'était déjà le match aller ce week-end. Brest qui a été s'imposer d'une courte tête à l'extérieur, 36-35, un petit but d'avance avant le match retour. Ce sera samedi. Voilà, il faudra conserver ce but d'avance pour se qualifier. Pour Metz, ça a été compliqué aussi, qui a arraché un nul à l'extérieur, à Hongrie, 31 partout, et qui donc recevra samedi pour tenter de rejoindre, peut-être, on espère, Brest en demi-finale. Ce serait génial d'avoir nos deux équipes en finale, en demi-finale. Donc on suivra ça samedi, bien entendu. Voilà pour donc le handball. On va refermer cette page, où on va ouvrir la page basket avec donc bien entendu en élite 2 l'OLB qui va mieux. Hein. Il y avait une petite peine un petit peu plus compliquée. Ça va mieux pour Orléans, donc qui s'est imposé donc à Blois, on l'avait dit la semaine dernière. Ce week-end, nouvelle victoire à domicile vendredi face à hier Toulon, une score de 100-90, donc avec la manière là aussi, ça permet de se replacer un petit peu. Quatrième, à un match seulement de Vichy, troisième. En ce qui concerne Pau, pour l'instant c'est deuxième, et puis Rouen, qu'on ne reverra plus, hein, qui est leader. Et on va attaquer la phase finale avec 5 derniers matchs. Déplacement, donc 2 matchs cette semaine, hein, notez bien, Orléans déplacement La Rochelle demain soir, face à la 10e équipe de ce championnat, et puis nouveau match vendredi avec donc pour cette nouvelle rencontre donc d'Elite 2. Ce sera dimanche la rencontre pour Orléans, qui recevra donc Chaland, la Lanterne Rouge. Donc victoire impérative évidemment pour une équipe, pour un club qui n'a gagné que 2 matchs, hein, donc voilà, faut vraiment gagner. Évidemment, deux matchs seulement sur 33. Donc voilà, il faut vraiment gagner. Hein. Ce sera dimanche à Comet Arena pour essayer de grappiller encore et aller chercher, on espère, la fin de ce championnat, deuxième voire troisième place. Donc de ce chemin de Elite 2. En Betclic Elite, eh bien, ça ne bouge pas. Monaco reste le leader de ce championnat avec malgré sa défaite, hein, face à l'ASVEL hier. 87-83. Voilà, donc il reste leader. Paris reste deuxième avec sa victoire extérieure. Nanterre troisième toujours, malgré sa défaite à Limoges. Puis quatrième Bourg-en-Bresse, et puis l'ASVEL cinquième. Voilà pour la Betclic Elite. Là aussi, on va arriver en fin de championnat. Il reste 3 journées avant d'attaquer les playoffs. Donc de ce championnat. Et puis un petit mot d'Euroleague pour dire que Monaco s'est qualifié pour les play-in, qui est terminé finalement donc 8e, hein, tout juste 8e de ce classement, grâce à son succès vendredi, hein, donc ça permet de terminer 8e. On rappelle les play-in, hein, un petit peu comment fonctionne un petit peu cette nouvelle formule, hein, qui est déjà le cas en NBA, hein, depuis quelques saisons. Donc on retrouve là 4 équipes donc qualifiées en play-in. Panathinaikos 7e, Monaco 8e, Barcelone 9e et Belgrade 10e. Donc ces 4-là vont s'affronter. Voilà, donc Monaco se déplacera, c'est pas la bonne nouvelle, mais se déplacera donc en Grèce, Panathinaikos demain soir, pendant que Barcelone recevra Belgrade. Donc voilà, les deux vainqueurs se qualifient pour les playoffs. Voilà comment fonctionnent les play-ins, pour qu'on ait nos deux autres qualifiés qui rejoindront les 6 premiers. Donc Olympiakos qui a terminé en tête, Valence, le Real Madrid, Fenerbahçe, Kaunas et Tel Aviv, voilà, sont les 6 premiers et vont rejoindre les deux vainqueurs de ces play-in. Voilà un petit peu le format, et ensuite en quart de finale. Donc il faudra aller gagner ce match demain pour se qualifier voilà pour la suite de ce championnat d'Euroleague. Voilà, on espère que ça va bien se passer. T'as une finale aussi pour un club français, c'est Bourg-en-Bresse qui s'est qualifié pour la finale de l'Eurocoupe, hein, la deuxième compétition européenne. Donc Bourg-en-Bresse s'est qualifié donc pour cette finale après une demi-finale longue, hein, puisque il a fallu trois matchs pour se qualifier, hein, voilà, donc Bourg-en-Bresse qui s'est imposé donc à chaque fois, donc ce sera une finale pour le Bourg-en-Bresse qui affrontera Beşiktaş. Donc le match aller mercredi et le match retour la semaine prochaine à domicile pour essayer de remporter un titre cette saison dans cette Eurocoupe, on rappelle qu'il a donc la deuxième compétition européenne voilà de basket. Et puis chez les filles, eh bien là aussi, hein, chez les filles, on a des possibilités de titres, hein, cette saison, hein, bien entendu. Donc avec la possibilité de remporter aussi une compétition. Mais voilà, on va attendre un petit peu voir ce qui va se passer pour nos clubs français. En tout cas, un titre peut-être cette semaine qui dessinera avec un match aller pour Bourg-en-Bresse, et puis la semaine prochaine on espère bien le titre. Voilà, en tout cas on aura l'occasion de suivre tout ça à partir de mercredi. Puis la NBA pour finir, bien sûr, les playoffs ont démarré, un match seulement joué dans toutes les rencontres. Cleveland pour l'instant mène face à Toronto, donc 1-0, même score pour New York face à Atlanta, Boston également face à Philadelphie, Orlando mène face à Détroit. Ensuite dans la conférence à l'ouest, c'est Denver qui mène face à Minnesota. Les Lakers ont remporté leur première rencontre face à Houston. Oklahoma City, pardon, mène face à Phoenix. Et puis les Spurs ont battu Portland pour le premier match avec encore une grosse performance de Victor Wembanyama, hein, 35 points encore. Voilà, encore très très fort ce qui d'ailleurs a été, si vous ne l'avez pas vu, nommé parmi les trois voilà potentiellement vainqueurs de MVP de la saison. Donc voilà, on espère que ce sera pour lui, voilà, sa première saison. Donc, ce sera pas cette année, ce sera peut-être pour les années futures, mais en tout cas voilà, il fait partie de ces trois nommés, hein, pour voilà, les trois finalistes, et une première pour un Français, hein. C'est vous dire la performance du garçon, voilà, qui est finaliste, donc immense favori bien sûr pour aussi le trophée de défenseur de l'année, hein, au-delà du MVP. Donc voilà, ce sera en tout cas attendu dans les prochaines semaines, ce titre, on l'espère pour lui. Donc en tout cas, nouvelle rencontre pour les deuxièmes journées, hein, de ces playoffs. Et les Spurs donc qui recevront cette fois, ce sera donc la nuit de mardi à mercredi, voilà, pour la deuxième rencontre de Victor Wembanyama et des Spurs. Donc voilà pour le basket. Un mot de rugby, puisque là aussi on s'approche tranquillement de la fin de saison. Il reste encore 5 journées, on a joué la 21e journée le week-end passé avec le leader Toulouse qui du coup de son côté a été battre Castres 42-25, donc il reste solide leader. C'est Pau qui est deuxième avec sa victoire à Bayonne. Montpellier reste troisième. Stade Français, Bordeaux sont juste derrière. Clermont sixième. Le Racing en embuscade. Pour les autres, ça va être un peu plus compliqué. Pour la descente, c'est déjà joué. Montauban s'il sera l'année prochaine en Pro D2. Perpignan, de son côté, sera barragiste, voilà, donc en top 14. Et puis à noter aussi, c'est rond, là on en avait un petit peu parlé, mais Bordeaux, Bègles et Toulon, hein, se sont qualifiés pour les demi-finales de ces coupes d'Europe, cette coupe d'Europe, hein, voilà, on le rappelle, donc Toulon et Bordeaux. Toulon se déplacera, Bordeaux recevra. Voilà, et puis un petit mot du RCO aussi, hein, qui jouait sa dernière rencontre de phase régulière en National 2, alors qui était déjà assuré de finir premier. Alors il y a eu une défaite pour finir, hein, la saison régulière. Bon, voilà, c'était pas très grave, c'est l'essentiel en tout cas. Merceau qui termine quand même largement premier, hein, malgré donc sa défaite. C'était face à Valence, 41-28, donc c'était hier. Donc sans conséquence, 5 points d'avance en tête du classement. Donc le RCO attend son adversaire en quart de finale. Voilà, ce sera quoi qu'il arrive à domicile, ça c'est la bonne nouvelle, le dimanche 3 mai prochain. Cette semaine on connaîtra l'identité donc de son quart de finaliste, de son adversaire. Voilà, donc le match à Marcel Garcin le 3 mai prochain. On rappelle que il faudra se qualifier pour la finale de ce championnat national 2 pour être assuré de monter en national 1 l'année prochaine. Voilà, donc il reste encore ce quart de finale, une possible demi-finale ensuite, et puis après ces qualifications, ce sera donc la montée, et on espère en plus le titre pour clôturer tout ça. Voilà, donc beaucoup de choses, de 3 mai donc le quart de finale déjà, puis on a l'identité de l'adversaire, on en reparlera bien sûr. Voilà pour le rugby. Un mot de tennis pour finir avec la victoire donc de Arthur Fils, qui a remporté son 4e titre de sa carrière à Barcelone hier, en battant en finale Alexander Rublev en 2 manches, 6-2, 7-6, avec une fin de match à rebondissement, mais c'est finalement le Français qui s'impose dans ce tournoi avec de belles perfs, hein, pour lui, une victoire face à Muzetti en 2 manches en quart de finale, donc avec autorité, 6-3, 6-4. Donc il a fait quand même une belle semaine, hein, le Français, donc il se remporte ce titre donc de Barcelone, ATP 500 de Barcelone. Cette semaine, place à Madrid, ça démarrera donc dans 2 jours. On a appris aujourd'hui que Yannick Sinner, même hier, qu'il serait finalement de la partie. Lui qui a un temps été annoncé forfait, en tout cas entre deux, il sera bien présent. À l'inverse de Carlos Alcaraz et de Novak Djokovic, qui ont décidé eux de ne pas se présenter à Madrid. Donc Yannick Sinner sera donc la tête de série numéro 1, Alexandre Zverev donc la tête de série numéro 2. On aura beaucoup de Français qui seront engagés, comme Arthur Rinderneck, qui donc sera directement qualifié au 2e tour. Arthur Fils également, qui pourrait retrouver Adrien Marino dans son 2e tour. Condition que ce dernier s'impose dans son match d'ouverture. On aura Alexander Müller, Valentin Royer, qui aussi sera engagé. Quentin Moutet, il est qualifié au 2e tour. Gaël Monfils aussi, pour son dernier Madrid, sera opposé à un Argentin au 1er tour. On aura Hugo Humbert, lui qualifié directement pour la suite, et puis qui pourrait retrouver Terence Hatman, le Français, quand il s'en s'impose pour son 1er tour. Voilà les Français présents, puis bien sûr après d'autres grosses têtes de série, hein, comme notamment Casper Ruud, Tsitsipas, voilà, qui seront présents, Ben Shelton, Arthur Dominor, Alex Dominor, pardon, voilà, ou encore Cameron Norrie. Voilà, donc du beau monde pour ce tournoi. Et puis ensuite on aura une dernière échéance avec Rome, qui aura lieu début mai, avant de basculer bien sûr donc ensuite avec Roland Garros fin mai. Voilà, d'ici là il y aura d'autres petits tournois, mais comme grosse échéance ce sera donc Madrid, Rome, et puis ensuite Roland Garros fin mai. Voilà du coup un petit peu où est-ce qu'on en est sur cette saison de terre battue. Chez les femmes là aussi, ça sera à partir de demain le début de ce tournoi. Donc on aura la présence donc de notre Française Loïs Boisson, hein, qui sera engagée donc dans le 1er tour du tournoi. Voilà, on espère que ça va passer pour elle. Voilà, il y a très très peu de Françaises, hein, présentes, deux seulement engagées cette semaine à Madrid. Voilà pour le tennis féminin. On fait un point sur les directs qui ont démarré la Ligue 2. Dunkerque, Laval, c'est Laval qui a fait le meilleur départ en marquant le premier dès la 7e minute, un pénalty de Camara. Donc ça fait 1-0 pour Laval face à Dunkerque dans cette rencontre de Ligue 2. En Italie aussi, ça a démarré depuis 7 minutes entre Lecce et la Fiorentina 0-0. Et puis dans 6 minutes, le coup d'envoi de Crystal Palace West Ham. Donc match important, aussi crucial dans la lutte pour le maintien. Voilà, on en reparlera bien sûr tout à l'heure lors de la page Première Ligue. Voilà, ce sera aux alentours de 21h30, oui, cette page européenne. D'ici là, on va marquer une petite pause et on va se retrouver donc juste après pour retrouver Hugo et la page foot, donc notre Tour d'Europe. On parle aussi de la Coupe de France cette semaine, hein, les demi-finales, bien sûr. Et puis ensuite, bien sûr, on va revenir sur tout ce qui est passé en Ligue des Champions aussi, hein, avec les quarts de finale. Donc encore pas mal de choses au programme. Donc Hugo qui nous rejoint dans 3 minutes. Le temps d'écouter le son que voilà. C'est Kungs avec Galaxy que l'on écoute tout de suite. C'est son dernier album, sorti il y a un petit peu moins de 3 mois maintenant. On se retrouve donc juste après pour débriefer de toute cette page de football. Là tout de suite, il est 20h56 sur Arc-en-Ciel. Avec Galaxy, à l'instant pour le son, il est à 20h58, on n'est jamais autant en avance, je crois. L'heure de retrouver Hugo, bien sûr, pour la grande page football. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Est-ce que ça va ce soir? Ça va très bien ce soir, et toi? Alors, même, Rémi? Oui, on a pris une en soirée là, c'était... Est-ce que vous allez bien ce soir? Pour le coup, on est bien à l'heure ce soir, donc c'est une bonne chose. C'est mais justement, j'ai peur que ça prédise quelque chose de bizarre pour la suite de l'émission. Ouais, on va voir. On va voir. En tout cas, voilà, les directs qu'on suit à ce soir. Dunkerque-Laval, c'est la Ligue 2. Lecce-Fiorentina, c'est l'Italie. Donc, des enjeux hein, pour l'Italie, puisque Lecce, pour le moment, est relégable. Fiorentina qui est un petit peu devant. Et puis en Ligue 2, voilà, il y a surtout un enjeu pour Laval hein, qui est aussi pour l'instant mal classé pour Dunkerque, voilà, c'est trop loin maintenant pour aller chercher quelque chose, hein. Il y a 11 points de retard sur les playoffs, donc c'est plié. Par contre, important aussi, Crystal Palace West Ham, c'est pour West Ham, hein, qui est un gros enjeu. On rappelle que Tottenham est toujours relégable. On en parlera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Et West Ham, qui est un point devant, pourrait reprendre 4 points sur Tottenham en cas de victoire. Donc c'est un match très important pour West Ham. Pour Palace, il y a aussi encore l'opportunité d'aller chercher quelque chose en fin de saison. Donc il y a aussi de l'enjeu pour Crystal Palace. Donc un match attendu, ce sera, bah, ça démarre à l'instant. Voilà cette rencontre de première ligue. Qu'est-ce qu'on va évoquer? Bah, la Ligue des Champions, bien sûr. Il y avait les quarts de finale retour. Voilà, donc on va y revenir un petit peu sur ce qui est passé en Europe dans le championnat. Le titre relancé en Angleterre plus que jamais, le titre joué en Allemagne, voilà, bien sûr, et puis en Italie aussi où ça c'est presque joué, hein, voilà, également, et puis aussi on finira en France où là pour le coup tout est relancé, hein, en Ligue 1, avec la victoire de Lens hier, de Lyon face à Paris, mais Lens justement qui pourra en bénéficier dans les prochaines semaines. Donc voilà, beaucoup de choses encore. Revenons sur ce qui s'est passé chronologiquement en milieu de semaine, hein, les quarts de finale retour. On avait mardi donc d'abord Paris qui jouait face à Liverpool. On avait pour commencer par Paris, hein, qui était on avait longuement parlé, voilà, on était confiant quand même, donc en déplacement Liverpool, voilà, le même tarif qu'à l'aller, 2-0. Liverpool qui a quand même, qui a beaucoup plus joué, hein, qu'à l'aller, mais au final, le tarif est le même, même si ça a été plus compliqué quand même pour Paris, là. Ouais, le tarif est le même, tu le disais, mais exactement, c'était compliqué, c'était un match où, en tout cas, Paris, je pense, a accepté de subir sur ce match-là. Et c'est aussi rassurant, je pense, d'un point de vue français, enfin, d'un point de vue parisien, de voir que cette équipe-là, parce que c'est vrai que c'est rare cette saison de voir Paris gagner dans la difficulté. Et c'est là où c'est intéressant, ouais, de voir qu'ils savent aussi gagner un match en se laissant subir, en jouant vraiment plutôt dans un bloc pas forcément très bas, mais où vraiment on sent qu'il y a un bloc très compact qui attend l'adversaire, et en même temps ils avaient un plus ou moins raison de le faire, dans le sens où c'était à Liverpool bien sûr de se découvrir, et c'est ce qu'a fait le PSG. Ils ont attendu on va dire la fin de match pour vraiment accélérer dans les contres et attendre peut-être la fatigue aussi physique et peut-être et surtout mentale bien sûr côté anglais, et c'est ce qui a aussi donné ce doublé de Dembélé en fin de match, 72e et 90+1. Dembélé qui avait quand même aussi pas mal bouffé pas de feuilles, mais il avait pas mal bouffé quand même même leur retour. Oui, déjà avant ces buts là, ouais. Il y a une ou deux occasions franches où il doit mettre dedans. Je crois que c'est en première période où il tente une reprise en se retournant, mais au 6 mètres, je sais plus, et ça part complètement au-dessus. Là où quand même, mine de rien, quand t'es Dembélé, que t'es Ballon d'Or, tu dois quand même beaucoup plus t'appliquer sur ce genre de situation. Encore une fois, surtout dans la surface, aussi proche du but. Il a quand même répondu présent, bien évidemment, en fin de match, et puis toujours très très bien placé, mine de rien. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de gâchis dans la finition, dans le dernier geste côté Dembouze, mais encore une fois, côté placement, intelligence de jeu, vista, ça reste, il n'y a rien à redire sur lui, et encore une fois, sur son implication aussi. Donc c'est quand même aussi grâce à lui que Paris a remis le même tarif, le même tarot dans ce match retour. Mais oui, encore une fois, Paris a accepté de subir, a été très très solide défensivement, même si effectivement Liverpool, Safonov a été très important bien sûr, et très très fort sur sa ligne, même pour aller au sol. Enfin, non, franchement, c'est vrai qu'il a fait un top match, Safonov, là où on l'avait vu un peu de... pas forcément Coupe d'Europe, et plus en championnat où on l'a vu des fois faire des petites tagades ou voilà, bon, rien de méchant, mais il a été costaud, il a vraiment fait preuve d'un gardien de top classe, de classe mondiale, je sais pas si on peut encore dire ça, mais en tout cas dans ces rendez-vous là qui sont les plus importants d'une saison, il a répondu présent, et c'est tout ce qu'on peut lui demander, lui qui va avoir un second rôle, encore une fois, on s'en rappelle en début de saison. Hein. Il n'était pas du tout prédestiné à avoir ce rôle-là de numéro 1 et de sauveur, entre guillemets. Et là, il le prend à bras le corps et il montre que c'est quand même potentiellement un très très bon gardien. En tout cas, c'est ce qu'il nous a montré. Et puis je disais, défensivement, encore une fois, la charnière Pacho Marquinhos, elle marche du feu de Dieu. Ils ont été très très costauds. Même Marquinhos qui se bat, qui s'arrache pour. Je pense que c'est en première période aussi, ou c'est en début de seconde, il sauve un truc. Il y a un super barré de Safonov, même chose, qui se couche bien. Et ça revient, je crois que c'est sur Van Dijk qui était monté justement aux avant-postes. Et puis c'est Marquinhos qui vient se sacrifier devant Van Dijk pour sortir ce ballon taclé. Donc non, franchement, c'est vrai que Marquinhos, c'est peut-être pas le défenseur qu'on a connu encore quelques années, mais il reste très costaud, très important. Et encore une fois, il fait vraiment la paire avec Pacho, et c'est, pour moi, c'est l'une des charnières centrales, si ce n'est la charnière centrale la plus costaud d'Europe, et donc potentiellement du monde. Donc, gros travail, même au milieu de terrain, j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, Vitinha, João Neves aussi. Donc, non, vraiment un match plein, franchement, du PSG, encore une fois, qui a accepté de subir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un peu moins vu Paratrega, par exemple, ou Désiré Doué, mais voilà, globalement, un match plein, quand même, encore une fois, du PSG, qui montre qu'il était quand même bien au-dessus de son adversaire sur ces deux confrontations, et qui montre aussi que c'est très potentiellement quand même, parce qu'on va parler du Bayern après aussi, qui a eu un peu de mal dans ce match retour, mais qui montre que je pense que le PSG reste le favori encore une fois cette année numéro 1 pour à sa propre succession. Et troisième demi-finale de suite hein, pour Paris, qui s'impose vraiment comme un grand d'Europe maintenant. Bah ouais, totalement. Alors c'est sûr que depuis 2020, il y a une vraie continuité logique. C'est vrai qu'il y avait eu encore des déceptions quand même en 2021, en 2022, mais tu le disais, là, trois demi-finales de suite, Dortmund, là le Bayern cette année, Dortmund il y a deux ans, l'année dernière, je me trompe pas, d'année en année, l'année dernière c'était demi-finale l'année dernière. L'an dernier, c'était comment je peux oublier. Paris avait joué contre Arsenal l'an dernier. Arsenal, voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, bien sûr, dans le dernier carré, tu as forcément les plus grands d'Europe. Donc oui, c'est quand même pas rien forcément d'arriver encore une fois trois saisons d'affilée à ce moment-là de la compétition. Là, par contre, je pense que cette année, ça va être vraiment l'adversité la plus forte dans chaque demi-finale qu'ils ont fait depuis trois ans, quoi. Oui. Là, je pense qu'on, même Arsenal l'année dernière et encore moins, avec tout le respect, mais que Dortmund il y a deux ans. Je pense que Bayern, c'est quand même encore vraiment un échelon au-dessus. Donc, c'est pour ça que j'attends vraiment avec grande impatience, la semaine prochaine, mardi prochain, le 28 avril. Là, c'est vraiment le choc des titans. C'est les deux meilleures équipes d'Europe. Il n'y a pas à dire, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ces deux équipes-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner déjà au Parc des Princes, donc ouais, mardi prochain. Ouais, puis Bayern en plus qui va pouvoir faire tourner largement ce week-end, puis qui est déjà champion, donc ça, voilà, ça va faire un beau choc. Et Bayern qui a encore cette semaine, oui, mercredi d'ailleurs, la demi-finale, exactement, de Coupe d'Allemagne aussi à jouer. Ouais. Je pense qu'ils veulent bien rafler, ils veulent bien faire un petit triplé ça. Donc ouais. On va en reparler. Le Barça qui s'est déplacé à Atlético avec un retard de 2 buts au début de cette rencontre. Ils avaient refait leur retard avec début assez tôt. Et puis finalement, Atlético va rester à marquer ce but qui suffira, avec des faits de jeu tout au long de ce match. Mais voilà, c'est bien Atlético donc qu'on retrouvera en demi-finale, alors que ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Ouais, certainement que c'est pas arrivé. Puis c'est vrai que on avait plus confiance au FC Barcelone de renverser vraiment la situation. Tu l'as dit, c'est ce qu'ils ont fait quand même assez rapidement à la base. Hein, parce ils ont vraiment remonté leur retard en même pas une demi-heure, en 25 minutes, grâce au début de Lamine Yamal à la 4e et de Ferran Torres à la 24e. Donc c'est vrai que ça commençait vite et on c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me disais grandement que le Barça allait le faire, allait continuer un petit peu ce match. Sur le même rythme, et puis le destin a décidé autrement, avec déjà une réaction de Lookman juste après la demi-heure de jeu, ce qui va un peu réveiller déjà l'Atlético, parce que c'est vrai que durant la première demi-heure, ça a été vraiment compliqué pour eux. Ils ont vite pris un coup sur la tête après déjà le premier but de Yamal très très tôt dans ce match, je l'ai dit, 4e minute. Et c'est vrai que ça fait un petit peu un électrochoc, cette réduction du score de Lookman côté Atlético. Et puis il y a aussi, oui, l'intervention du VAR à la 57e qui va pas permettre au Barça de marquer un troisième but. Bon, il y aura le carton rouge aussi d'Eric Garcia à la 80e qui va pas forcément permettre de donner tous les ingrédients au Barça pour s'arracher à 11 contre 11 dans les dernières minutes du match. Et l'Atlético sait tenir, et ils ont su tenir malgré pareil, la possession du ballon côté côté Barça, ils savent le faire, hein, cette équipe de l'Atlético, et ils l'ont fait jusqu'au bout, peut-être pas miraculeusement non plus, parce qu'ils ont eu des occasions aussi, ils ont gâché l'Atlético dans ce match-là. Ils auraient pu essayer de se mettre un peu plus à l'abri aussi, même en toute fin de match à 11 contre 10. Mais voilà, la qualif est là, effectivement, ça faisait quelques temps. Et le Barça, je pense que c'est quand même une véritable déception quand même de les voir s'arrêter là aux portes du dernier carré. Ouais, qui donneront tout pour le championnat maintenant, même si c'est déjà bien, bien avancé pour eux. Ensuite, on avait mercredi, donc, Arsenal qui avait gagné un seul but à zéro à l'aller. Et voilà, c'était vraiment un avantage très très faible. Il n'y a même pas eu de but au retour. Voilà, un match voilà, assez fermé quand même. Et en tout cas, très très peu de tirs cadrés. Un résultat qui suffit, mais quand même, c'était pas un grand Arsenal quand même. Non, mais c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière ici sur cette antenne, c'est que même avec Alex, hein, où je disais que je me demande s'ils vont peut-être pas privilégier mine de rien dans les esprits, alors pas non plus, ils vont pas balayer d'un revers une potentielle qualification en demi-finale de LDC, mais est-ce qu'ils privilégient pas dans leur tête déjà le choc donc qui s'est passé ce week-end maintenant, mais enfin, hier contre City qui est capitale bien sûr dans la course au titre en Première Ligue, c'est un peu la sensation que j'ai eue. Alors il y a aussi peut-être un petit manque de confiance où le mental est un peu fébrile en ce moment côté Arsenal et encore plus vu ce qui s'est passé hier, on en parlera tout à l'heure bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Arsenal qui a géré sans gérer aussi, j'ai l'impression. C'est vrai que le Sporting n'a pas non plus vraiment eu de grand temps fort dans ce match-là. Arsenal a plutôt géré, mais a quand même essayé bien sûr de marquer, s'est porté vers l'avant, mais a été beaucoup trop. Même chose, amorphe, stérile dans le dernier geste. Bah, tu me disais, hein, au niveau des tirs cadrés, c'est assez faible, c'est très triste même. C'est un tir cadré partout. C'est vrai que pour une demi-finale retour, un quart de finale retour de Ligue des Champions, c'est quand même très peu. Hein. C'est souvent dans ces matchs retour-là où on a droit à des scénarios assez dingues. On en parlera en plus dans quelques secondes aussi entre le Bayern et le Real. Et c'est vrai que ce match-là a été très très décevant, mais ouais, c'est un petit peu ce que je disais. Je pense qu'Arsenal a privilégié vraiment de gérer ce match-là, alors sans être sûr, parce que c'est que le Sporting joue un très beau football depuis 2-3 ans maintenant, vraiment au Portugal. Arsenal avait les armes quand même, mine de rien, défensivement aussi, et puis au milieu de terrain, pour contenir ces Portugais-là, et s'assurer le strict minimum avant, oui, justement, je le disais, ce fameux choc contre City en PL d'hier. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, mais c'est vrai que c'est un piètre match quand même forcément à suivre pour les suiveurs, pour les fans, comme pour les suiveurs qui ont peut-être regardé ce match-là. Oui, mais voilà, ça passe par Arsenal quand même et encore en course pour un doublé également. On continue avec le dernier match voilà qu'on attendait, hein, ce Bayern Real avec le Bayern qui a gagné 2-1 à l'aller. Quel match, hein, voilà, vraiment avec des gros scénarios et des rebondissements, et c'est finalement le Bayern qui s'en sort, mais difficilement aussi quand même. Bah ouais, difficilement, franchement, je pense que on sera d'accord tous les deux pour dire qu'on s'attendait quand même forcément, je pense, à du répondant côté Real Madrid, mine de rien, mais à ce point-là, et avec un scénario comme ça, en tout cas on aurait signé direct, ça c'est sûr. De là à dire qu'on s'attendait à ça aussi rapidement avec un premier acte, une première période, franchement elle était folle. La première période, elle était complètement dingue. Déjà ce but en à peine une minute d'Arda Güler sur cette erreur de Neuer, d'appréciation de Neuer, et ce tir de loin, ce long shot d'Arda Güler qui est magnifique et qui est osé, il fallait l'oser, il faut avoir de la confiance et bien sûr du talent avant tout, mais il attend et ça rentre. Donc voilà, le Real qui refait déjà son retard en même pas une minute, en quelques secondes. Alors certes, après le Bayern va vite réagir avec Pavlovic à la sixième. Bon, voilà, le match qui partait déjà sur les chapeaux de roue. Güler qui met un super coup franc aussi pour le 2-1 à la 29e. Magistral aussi, c'était vraiment son match. Un peu Neuer sur le... Neuer, peut-être, mais pas pareil, exemple de reproche. Ouais, quand même. T'as raison, c'est un peu étrange son placement, et puis c'est la façon de réagir sur ce coup franc-là, mais mine de rien, il est relativement bien placé, bien tiré, ce coup franc de Güler. Donc, pour son doublé 2-1. Kane pareil qui 10 minutes plus tard même pas va revenir encore, va remettre le score à deux partout et donc remettre le Bayern en place de qualifier pour les demi. Mbappé avant la pause qui met le 3-2. Non mais franchement, le premier acte c'était vraiment cinémato, c'était du ciné propre et dur, mais c'était vraiment super plaisant à suivre. Et puis deuxième mi-temps, alors oui, un peu plus calme, où on était plus dans, peut-être pas dans le dans de l'observation, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup de débauche d'énergie de part et d'autre quand même durant les 45 premières minutes. Et c'est vrai que bon bah il y a ce tournant aussi du match à la 86e où Kamavinga prend ce second jaune bah bêtement, naïvement, je pense qu'il y a pas d'autre mot. C'est vrai que sur le moment, j'ai trouvé ça dur le second jaune de l'arbitre. Qui d'ailleurs, c'est vrai, je pense, ne se rappelle pas, oui. Il y avait déjà un jaune Kamavinga sur l'action, on le voit. Il venait de rentrer, hein, enfin il venait de le prendre. Ouais, Kamavinga est entré à la. C'était à la combien 72e. Ouais, il l'a pris 10 minutes. Ouais, 78e, ouais. Il le prend en 118e le premier jaune et 8 minutes plus tard, effectivement, il prend le deuxième. Et on sent que l'arbitre, pourtant, ça s'est pas passé assez longtemps que ça, le premier jaune, hein, mais. Il avait coupé une action, enfin c'était. Ouais. C'est, tu t'en rappelles, quoi. Ouais bah bien sûr ouais, c'est ça donc et puis oui second jaune où tu vois le mettre le carton jaune et puis il range et puis il retourne le dos, il repartait à l'arbitre et puis c'est vrai que là on a dû lui rappeler ou il s'est rappelé, je sais pas si c'est quelqu'un dans l'oreillette ou si c'est lui-même qui s'en est rappelé, mais c'est vrai qu'il allait sortir le rouge. Est-ce qu'en pleine conscience qu'il avait déjà un jaune Kamavinga, est-ce qu'il aurait mis le jaune? Je peut-être suis pas, pas, certain, hein. Pas forcément. Après là il y a pas de scandale, c'est le règlement à la lettre. Et il y a pas de scandale, mais... et c'est vrai que justement je trouve ça quand même sévère. Oui, oui, c'est sévère, mais c'est pas illogique, ouais. Je trouve que non, avec le recul, en revoyant l'action, en fait, il y a vraiment Kamavinga qui, donc la faute est sifflée, Kamavinga écarte un peu le ballon au pied, et puis ensuite, il reprend le ballon à la main pour réécarter le ballon. Enfin, en fait, la séquence est quand même assez longue, il y a quand même plusieurs minutes, secondes. Oui, oui. Minutes, peut-être pas non plus. Il y a plusieurs secondes où Kamavinga, c'est vrai, non, mais gagne du temps, et au final, le jaune est quand même, et le jaune est donc le rouge, hein, parce qu'après, bon, voilà, hein, c'est pas parce que. T'as déjà pris un jaune quelques minutes avant que t'es pas censé en reprendre un, même pour ça, pour un petit peu de gain de temps. Donc non, pour moi c'est logique, mais c'est vraiment une faute professionnelle pour moi de Kamavinga, franchement, sur il le sait, oui. Et il avait fait la même chose l'an dernier. L'an dernier, c'est ça le pire, ouais. Il avait pris un rouge pareil à peu près. Quand on a fait le retour aussi, je crois, ouais. Oui. C'est ça qui marque pas des, il marque pas des points là. Surtout que encore une fois, oui, c'est pas un titulaire indiscutable. Puis il n'est pas, ses prestations sont discutables justement et parfois quand il rentre justement. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de talent, mais c'est vrai que sur ce genre de choses là, à ce moment là du match, encore une fois, où tu gagnes 3-2, ou donc il y a les prolongations pour l'instant qui se profilent encore, mais t'es jamais censé faire ça. Et puis voilà, 3 minutes après, bah, c'est la punition, c'est Luis Diaz qui vient égaliser pour le Bayern et donc remettre le Bayern devant sur le plan. Des deux matchs et puis donc Olivier qui vient vraiment sceller le sort définitif de ce match-là à la 94e. Mais voilà, alors bien sûr, j'irai pas jusqu'à dire que la défaite et l'élimination du Real est due à Kamavinga, ça évidemment que non, l'élimination se joue déjà sur le premier match aussi et puis bien sûr sur les erreurs défensives aussi dans ce match-là. C'est vrai que la défense du Real est toujours aussi friable aussi. Mais voilà, et puis un petit mot sur le Bayern quand même aussi, c'est certes scénario, certes pas de but, donc toujours un vrai festival offensif avec beaucoup de talent, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, les trois ont marqué. Mais c'est vrai qu'encore une fois, sur ces deux confrontations, on n'a pas retrouvé le Bayern, bien sûr pas ultra dominateur comme au championnat, je ne demandais pas ça, on n'a pas vu le Bayern, on n'a pas vu ce Bayern-là très fort tactiquement, très en place, là il y avait beaucoup de déchets. Il y avait beaucoup moins de fluidité dans les transmissions, dans les transitions aussi. Donc c'est vrai que c'était quand même assez étrange de voir ce Bayern-là beaucoup en difficulté. Je n'aurais pas parié encore plus à domicile. Je n'aurais pas parié même contre le Real. En tout cas, j'espère un autre visage du Bayern. Et c'est vrai qu'ils ont montré quand même pas mal de faiblesses aussi. Et ce qui montre que c'est pas une équipe de cyborg et que le PSG, bien sûr, a toutes les cartes à jouer également. Alors, je le disais, en plus, pour moi, le PSG reste le favori numéro 1 et Bayern, on va dire, le numéro 1 bis. Mais on voit aussi les fébrilités et ce qui marche pas forcément chez le Bayern face à un gros concurrent. Donc c'est aussi ce qu'on a vu, mais Bayern fait aussi réagir dans ce genre de scénario, dans ce genre de match. Et on le sait, c'est la mentalité allemande, ça ne s'arrête jamais, ça ne baisse jamais les bras. Donc c'est aussi ça qui fait leur force, et en plus de leur talent, évidemment. Mais en tout cas, ouais, on s'est régalé, une grosse soirée foot. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure, pour ceux qui avaient regardé Arsenal Sporting, ils ont dû passer une soirée. Je pense qu'ils étaient très peu, ils devaient être deux. Mais fallait, ouais, évidemment, fallait bien rester devant le Bayern Real parce que c'était vraiment du cinéma, comme je le disais, et puis un scénario comme on les aime en Ligue des Champions, et c'était un superbe match. Alors que la Fiorentina a ouvert le score, hein, en Italie. 1-0, 32e minute. Très bien, pas de but dans les autres matchs. Donc pas les demi-finales, donc Paris-Bayern, donc Paris recevra, hein, allez, comme c'était le cas pour ce quart de finale, donc le mardi 28 avril, donc c'est déjà la semaine prochaine, hein. Ça revient vite, et le match retour le mercredi 6 mai. Voilà, exactement. Atletico, donc Arsenal, ce sera donc le mercredi 29 et les retours le mardi 5. Mais voilà, donc c'est deux demi-finales. Là, c'est bien, il y aura plus de choix à faire en termes de match, là, bien c'est sûr. C'est ça, un par jour, là, au moins. Un par jour, ouais. C'est ça. Un mot, très rapidement de Ligue Europa où, donc, un qualifié, on sait qu'il y a toujours cette bataille avec le Portugal pour l'Anti-UEFA. Enfin, un qualifié portugais, c'est Braga, hein, qui s'est qualifié en battant 4-2 Séville. Donc, il y aura un qualifié encore en course pour le Portugal, puisque Porto a perdu à Forest 1-0. Donc, il ne ira pas plus loin. Donc, les demi-finales, ce seront Braga-Fribourg et Forest-Villa. Donc, un duel 100% anglais. Dans l'autre match. Donc on aura et Porto qui devrait par contre être sacré champion là normalement de. Oui. Et en tout cas ils ont la voie libre du Portugal. Exactement. Avec la victoire hier de Benfica contre Sporting, hein, c'était le derby lisboète. Mais donc avec la victoire de Benfica face au Sporting, Porto peut quasiment plus être rattrapé en championnat portugais. Donc on aura au moins un club anglais en finale de la Ligue Europa. Et puis bien sûr un qualifié français aussi en Conference League, c'est Strasbourg. Qui a complètement renversé le scénario dans son match face à Mayence avec une victoire 4-0. Donc a vraiment fait le job, voilà, Strasbourgeois, et qui est très rapide. Plus que le job, hein, presque. Ouais, très, ils étaient revenus déjà à la demi-heure de jeu et puis ils ont marqué deux nouveaux buts en deuxième période. Donc ça fait plaisir de voir un club français comme ça qui renverse un scénario et puis qui se qualifie en demi-finale. Évidemment, première demi-finale européenne pour le Strasbourgeois. Qui donc seront opposés au Rayo Vallecano en demi-finale de cette compétition, qui s'est qualifié de son côté face à l'AEK Athènes. Pas simplement, ils ont perdu 3-1, ils ont gagné 3-0. Ils perdaient 3-0 sinon ouais. Ça se retrouve. Hein. Ils ont marqué un but à l'heure de jeu pour le but qu'il fallait pour les laisser en vie et puis ils ont réussi à gérer après, mais c'est vrai qu'ils ont dû se faire peur. Mais ouais. Pour ça, oui, il y a bien sûr beaucoup d'espoir encore côté Strasbourg. Et surtout avec l'énorme prestation, parce que là c'est vraiment une victoire écrasante sur tous les compartiments du jeu, sur tout le match. Il n'y a rien à dire, ouais. Franchement. Contre Mayence, hein, ce 4-0, franchement, c'est pour ça que je disais, ils ont fait plus que le job, quoi. Tu disais qu'ils faisaient le job, ils ont fait encore plus, et tant mieux, parce que c'est aussi, moi, c'est un peu ce qu'on disait avec Alex la semaine dernière ici. C'est que, enfin, lui était plus, pas forcément plus optimiste que moi, mais il avait un autre visage sur Strasbourg. Oui, c'est vrai. Moi, je disais que justement, j'en attends tellement de cette équipe-là, parce que je le sais qu'elle a énormément de talent, mais là, on l'a vu. On prend un par un les 11 titulaires, plus ceux qui sont rentrés, et c'est bourré de talent, et on l'a vu, ils ont tous fait un match exceptionnel, que ce soit Enciso, Barco, Moreira, Nanasi, Ouattara, bien sûr, Godot, enfin, tous, vraiment tous, ils ont été exceptionnels. Donc, quand on les voit jouer comme ça, mais moi j'ai envie que ce soit, voilà, à chaque match ça se transcende comme ça. Sur un match retour comme ça à la Méno, en plus, oui, c'est vrai que la fête est encore plus que belle et l'histoire elle est magnifique pour se qualifier pour une première demi-finale de Coupe d'Europe de leur histoire en plus. Oui, c'est ça. Donc on a des dossiers sur cette demi-finale, hein, ce sera le 30 avril. Donc face au Rayo Vallecano qui est 13e actuellement de Liga. Hein. Donc voilà, c'est reste à la portée de Strasbourg, mais ce sera une demi-finale, donc jamais simple. Évidemment, l'autre demi-finale, ce sera Donetsk Crystal Palace, donc là aussi une autre équipe donc de première ligue qui pourra accéder à une finale, qui joue d'ailleurs en ce moment face à West Ham, on le rappelle, 0-0 dans la rencontre. Donc voilà pour les quarts de finale de ces coupes d'Europe. Donc la semaine prochaine, bien sûr, on aura l'occasion de reparler de tout ça, refaire un point sur tout ça. On en parlera après. Il y a une info que je viens de pouvoir passer, mais on en parlera après. L'Allemagne. Donc pour la 30e journée, voilà, le titre est joué grâce notamment à la défaite de Dortmund qui était en déplacement à Hoffenheim. Il y avait plusieurs gros matchs en haut. Ça, c'en était l'un de ces deux-là. Dortmund qui s'incline à l'extérieur sur le fil et qui a laissé du coup la voie libre au Bayern. Ouais, drôle de scénario un peu dans ce match. Alors c'est pas non plus un scénario digne du Bayern Real de la semaine dernière, mais avec un résultat hyper important, tu le disais, dans le haut de tableau pour Hoffenheim, hein, dans la course à la Ligue des Champions, surtout que Augsbourg dans le même temps avait battu Leverkusen aussi, donc le Bayern qui est un concurrent direct, hein, dans cette course à l'Europe pour Hoffenheim. Donc voilà, c'était une victoire des 3 points très très important pour Hoffenheim contre Dortmund. Et puis c'est deux pénaltys hein, qui offrent les trois points au TSG et un doublé de Kramaric. Hein, le premier but en fin de première période à la 42e suite à une première période intéressante d'ailleurs et aboutie hein, de la part des Bleus et Blancs. Un pénalty sifflé qui peut être discutable si je puis dire puisque c'est à cause d'une main de Nicolas Zuleux hein, qui était au sol et qui s'est protégé sur la frappe. Sauf que Zuleux en fait il était au sol parce qu'il venait de se blesser sur un mauvais appui. Il a un peu glissé puis il a un mauvais appui. Et il faisait son retour en plus après deux mois où il était absent, Zuleux, et on peut vraiment être inquiet pour lui. J'ai essayé de chercher tout à l'heure en préparant l'émission s'il y avait des nouvelles de cette re-blessure-là, donc de ce week-end. J'ai pas trouvé pour l'instant, je sais pas si tu peux me trouver ça en attendant Rémi, de Zuleux. Parce que l'image a fait un peu peur, l'appui qui glisse un peu, il se tient directement le genou après. Lui, encore une fois, qui a été très embêté par les blessures dernièrement, et là j'ai peur que ça pue un peu les croisés. Donc ouais, si tu peux des fois voir. Mais donc oui, Zuleux qui fait cette main, donc en étant au sol, parce que voilà, il tient le genou et puis bon, il voit bien que la frappe arrive sur lui, donc il essaie de se protéger. Et donc ça fait penalty. Alors quand il dit que c'est discutable, bon voilà, mine de rien, il y a penalty quoi. Je veux dire, cette main, elle annule potentiellement une action de but et puis son bras quand même augmente sa surface corporelle. Donc c'est tous les ingrédients nécessaires pour siffler un penalty. Et puis le second pénalty donc de Kramaric, hein, dans un premier temps, c'est une faute qui est sifflée pour Dortmund et non pas contre Dortmund, suite à un pied-haut d'un attaquant d'Offenheim. Et finalement, on se rend compte à la vidéo qu'il y a une main juste avant, à l'entrée de la surface, avant ce fait de jeu-là de Ryerson, hein, le défenseur de Dortmund. Et donc ben, finalement, c'est bien pénalty pour Offenheim et ça fait donc 2-1 à la 90+8. Avec ce doublé de pénaux pour Kramaric, Dortmund qui avait d'ailleurs initialement égalisé 10 minutes avant à la 87e grâce à un but franchement de grand attaquant de Guirassy hein, qui reçoit le ballon devant la surface. Il est dos au but et il va se retourner, pivoter sur lui-même et envoyer une lourde frappe croisée à ras de terre. Ça c'était pour le 1-1 juste avant donc ce deuxième pénalty de Kramaric. Donc ouais, globalement il y a eu un peu deux périodes de chaque côté. Hein, la première où Offenheim s'est montré dangereux et a même touché un montant, et donc la seconde de Dortmund a vraiment remis le pied sur le ballon, mais voilà, les décisions arbitrales, enfin, logique, hein, bien sûr, mais et c'est le penalty, donc ont permis à Offenheim de gagner ce match, et ça ne suffit pas donc à Dortmund d'accrocher au moins un point dans ce match-là, même si leur deuxième place voilà n'est pas pour autant spécialement inquiétée, mais je le disais en tout cas, grosse opération de Offenheim qui prend la cinquième place avec cette victoire. Donc alors pour le coup il y a eu un examen sur place mais les analyses complémentaires ont été faites à Dortmund. On attend un diagnostic dans les prochains jours donc là on n'a pas de date vraiment de diagnostic précis mais oui ça appuie un peu les croisés ou en tout cas une blessure très sérieuse donc pas sûr qu'on après ça peut être les croisés quand même hein, mais c'est parce qu'il est quand même sorti, il n'est pas sorti sur civière, hein, il est sorti en marchant, il boitait pas spécialement, après on sait quand le corps est chaud, c'est quand même différent. Oui, il est croisé, mais tu peux marcher sur le moment, oui. Voilà, quand même souvent. Alors ça arrive que tu puisses plus, mais alors là c'est assez grave aussi quand même. Mais potentiellement c'est une déchirure hein, des ligaments. Mais là voilà, il a pu remarcher, alors comme on le disait, ça veut rien dire, mais effectivement on attend de voir dans les prochains jours, mais c'est vrai qu'il n'est pas épargné par les blessures encore une fois cette saison après. On sait, hein, Zuleux, c'est pas le plus fit des joueurs. Hein, justement, c'est quand même assez rare. Hein, on le voit souvent un peu avec pas une grosse bedaine, mais on voit qu'il c'est quand même un bon portant, un bien portant, et c'est peut-être aussi ça qui peut jouer forcément dans certains problèmes physiques. Bon après là, voilà, c'est avec l'appui était un peu mauvais, il s'est fait mal, donc on va suivre dans les prochains jours. Tu l'as dit, donc voilà, ça, c'est la cinquième place. Pour Offenheim, du coup, qui passe devant le Bayer Leverkusen, tu l'as dit, qui a perdu dans le même temps face à Augsbourg, donc dans les toutes dernières secondes, hein, pareil, un penalty dans les ultimes secondes, donc voilà, le Bayer perd sa cinquième place, 2 points derrière, donc on va y revenir, mais c'est assez serré hein, entre le troisième et le sixième, donc voilà, ça va se battre jusqu'au bout, et puis tu l'as dit, Dortmund qui est pas plus menacé que ça pour par sa deuxième place, hein, voilà, donc mais qui a 10 points d'avance sur la quatrième, qui est encore qualificatif, donc. Pas d'inquiétude non pour Dortmund. Ainsi, un duel qui était intéressant, c'était entre Francfort et Leipzig. C'était donc en fin de journée samedi. C'est Leipzig qui va venir s'imposer et qui du coup passe troisième désormais. Ouais, ils ont fait le job à Leipzig. C'était un match assez plaisant quand même, assez ouvert aussi de part et d'autre. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais c'est bien Leipzig, je trouvais, qui a été beaucoup plus efficace avec. Sa petite armada, sa jeune armada offensive qui est très intéressante avec Déjà l'ouverture du score à la 27e de Yann Diomandé, hein, c'est une vraie pépite. Il a marqué, je crois, son 8e ou 9e but de la saison, je crois, si je ne me trompe pas, mais qui a marqué un superbe but. Puis après, bon, il y a eu l'égalisation de Larsson pour Francfort à la 34e, où là, ça se rendait un petit peu coup pour coup de part et d'autre. Et c'est vrai que la seconde période est plus à mettre au crédit de Leipzig. Et notamment, ben ouais, durant les 20-25 dernières minutes où Leipzig a pu marquer deux buts, hein, grâce à Nusa et à Harder. Des beaux buts aussi, très importants. On sent vraiment Leipzig quand même redevenir une bonne petite génération. Il y a Leipzig en ce moment, ça se voit bien. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui prennent un certain crédit aussi sur leur valeur. Donc non, mais en tout cas, ils ont fait un bon match. Leipzig, franchement, ils méritent amplement cette troisième place. Là où ouais, du coup, Francfort pour le coup s'englue à la huitième place. Ils pourront plus pouvoir viser au-dessus de la 7ème place. De toute façon, là, c'est quasiment impossible. Il reste 4 matchs. Oui, 10 points de retard, c'est... 10 points de retard sur Leverkusen, 6ème, ouais. C'est chaud. Ouais. C'était la dernière chance, là. Il fallait vraiment gagner. Donc, ça sera trop loin pour Francfort. Et puis, on avait, pour terminer, évidemment, le Bayern qui recevait Stuttgart, là aussi, un match intéressant. Alors, pour Stuttgart, qui aurait pu, rester troisième, qui est toujours installé à quatrième place, mais pour le Bayern, c'est surtout le match du titre après donc la défaite de Dortmund un peu plus tôt dans le week-end. C'est ça, ouais, 4 buts pour le Bayern pour bien fêter ce 35e titre en Bundesliga avec un visage retrouvé du Bayern là où je l'évoquais, où c'était un peu plus compliqué forcément en Ligue des Champions contre le Real, avec une identité qu'on a bien retrouvée sur ce match-là contre Stuttgart. Pourtant, Stuttgart avait ouvert le score à la 21e quand même, mais c'est vrai que les Bavarois ont retourné la situation en l'espace de 5 minutes, hein, à la 32e, 34e et 37e minute. 3 buts signés Guerrero, Jackson et Davis, hein, donc ils ont complètement retourné la situation dans ce match-là assez rapidement. Et c'est là où on a retrouvé un petit peu la machine à marquer, la machine de guerre du Bayern. Et puis un quatrième but qui sera signé Harry Kane, bien sûr, à l'inarrêtable, l'invincible après la pause, après être rentré justement d'ailleurs à la mi-temps, parce que c'est vrai que Compagnie avait fait le tourner quand même sur ce match-là. Il y avait plusieurs cadres, les principaux cadres même, j'ai envie de dire, qui étaient au repos, hein. Donc oui, Harry Kane, Manuel Neuer aussi qui a laissé sa place sur ce match-là, au jeune Urbich d'ailleurs qui a fait de très bons arrêts sur ce match-là. Michael Olivier était aussi sur le banc, qui est rentré, ou Upamecano entre autres également était sur le banc. Mais ouais, je disais, on a retrouvé un petit peu ce Bayern-là, la machine, avec pour le coup plus de fluidité dans ses transmissions, un très bon pressing encore, de l'agressivité à la récupération du ballon, beaucoup de vitesse dans les transitions offensives, et bien sûr toujours autant d'efficacité dans le dernier geste. Encore une fois, 4 buts marqués ce week-end, c'est comme mercredi dernier contre le Real, c'est 4 buts également à domicile. Donc ils ont pu bien fêter bien sûr ce 35e titre, et ils vont pouvoir maintenant se focaliser à fond sur leur demi-finale de Coupe d'Allemagne face à Leverkusen mercredi, on commence à l'évoquer, et puis bien sûr sur la double confrontation également en demi-finale de LDC contre le PSG de la semaine prochaine, même si Compagnie l'a dit je ne sais plus quel micro, de quel média, mais que pour autant le Bayern n'allait pas fausser entre guillemets la fin de cette Bundesliga. Ils allaient quand même jouer le coup à fond entre guillemets, même si ils s'en cachent pas évidemment qu'il va se permettre encore plus de faire tourner son effectif. Mais on se rend bien compte que même quand le Bayern fait tourner, il y a tellement de talent et vraiment sur ce banc-là que il n'y a pas de problème pour jouer à fond ce championnat-là, parce qu'il y aura toujours des places à jouer, à gratter. C'est important pour les remplaçants aussi de montrer leur valeur et ce qu'ils savent faire. Donc voilà, mais il le disait, ils vont pas faire de la figuration pour autant, ils vont pas fausser la fin de ce championnat. Donc certes, il n'y aura plus vraiment d'enjeu pour le Bayern, mais attention quand même aux prochains adversaires en championnat. Ça, jouer contre le Bayern qui est déjà champion, ça ne voudra pas dire que ce sera évidemment la facilité. Donc c'est ce qu'a prévenu Vincent Kompany. Oui, puis ça permet de voir un petit peu l'année prochaine, préparer un peu avec des joueurs qui jouent un peu moins de temps de jeu, et de voir un petit peu ce qu'ils valent, hein, donc sur des matchs à haute intensité. Donc on verra ça. Et puis Stuttgart, qui était, c'est pas n'importe qui quand même, quatrième, donc c'est un vrai gros résultat quand même, hein, pour le Bayern, donc qui pour le moment est à 79 points. Alors ce qui est fou, c'est que c'est la meilleure attaque, évidemment, 109 buts marqués, hein, en 30 matchs. C'est le record, je crois que c'est 115 dans une saison, il me semble, du Bayern. Ouais, ils sont pas loin. Ou je confonds avec le championnat, où en championnat, je crois qu'ils sont à 101 buts marqués là. Et je crois que leur record en championnat, c'est 110 buts dans une saison. Donc en tout cas, ils peuvent. Ils sont à 109. Là, ah, ils sont à 109. 109 buts, ouais. Et tout, toute compétition. Ah bah non. Ah non, que l'on. 109 en championnat? Oui. Alors, je sais plus c'est quoi le record, c'est pas 110 du coup, mais. Ah, faudra vérifier, mais. Je sais plus ce que j'ai vu tout à l'heure, mais ouais. Mais ils peuvent l'exploser, en tout cas le battre, ce record. Je sais que c'est ce record-là de buts dans une saison en championnat, il est largement atteignable pour eux cette saison. Il reste encore 4 matchs de Bundes, donc ouais, ils peuvent vraiment le faire. Et en disant, en plus, s'ils font tourner, oui, il y aura forcément des joueurs qui auront la dalle, hein, donc c'est pour ça que c'est largement faisable encore. Ah, c'était 105. Donc ils l'ont battu. Ah, c'est déjà battu, ouais, ouais, ouais. C'était pas encore battu. Ouais, okay. Ils l'ont battu la semaine dernière. Ah, d'accord. Donc, voilà. Je crois que c'était pas encore battu. Donc, c'est peut-être toute compétition confondue, peut-être que tu as vu une stat. Ouais, peut-être que, ouais, faudrait que je retrouve les chiffres. Donc, meilleure attaque, et puis aussi meilleure défense, 29 buts marqués, encaissés seulement. Ouais. C'est vrai que c'est fou, hein. Tu dis, le deuxième, c'est Stuttgart, ils sont à 62 buts, et ils sont déjà à 109. Ils sont pratiquement en double. C'est quand même fou, hein. Ouais. Dire et ça. D'ailleurs, bah, Stuttgart, il reste encore, il reste 4 matchs, je disais, parce que, ils sont quatrième, Stuttgart, là, c'est ça? C'est quatrième, ouais. C'est ça. Et les derniers matchs pour eux, c'est pas simple. Alors, il y a le Werder Bremen à la 31e journée, mais 32, 33, 34, c'est quasiment que des concurrents directs, ouais. En tout cas, quasi européens. C'est déplacement à Hoffenheim, 32e journée, 33e, c'est contre les Leverkusen. Et 34e, c'est à Francfort. Alors, je disais, Francfort, là. Il joue plus rien, ouais. Potentiellement plus grand chose à jouer, avant que la 7e place devienne européenne, donc auquel cas, il y a encore de l'enjeu. Il y a quand même trois, quatre gros matchs encore à arriver pour Stuttgart, et sachant qu'ils ont eux aussi la demi-finale de Coupe d'Allemagne cette semaine. Hein, donc, tout à fait. Il y a encore de l'enjeu pour eux également. Donc tu as dit Bayern 79 en tête, donc Dortmund deuxième 64. Et après c'est assez serré, hein, Leipzig 59, Stuttgart 56, Hoffenheim 54, Leverkusen 52. Voilà pour l'instant les 6 premiers. Et puis bon, pour l'instant 7e c'est Fribourg en embuscade, mais voilà, a priori la 5e place, il y a peu de chances qu'elle soit directement qualifiée pour Ligue des Champions en Allemagne, donc ça devrait s'arrêter là-dessus. Donc on l'a dit, bah, cette semaine, dans un premier temps, on va avoir droit aux demi-finales donc de Coupe d'Allemagne. Tu l'as dit avec donc dès demain. C'est le premier match donc demain avec je sais même plus qui joue demain. Ce sera le Bayern de non c'est mercredi. Mercredi Bayern. Ouais. Bayern Leverkusen Bayern Munich et puis le lendemain Stuttgart Fribourg. Voilà donc pour ces demi-finales et donc en championnat donc si on va voir un petit peu plus loin les matchs. Donc de la 31e journée, on n'a pas de gros match, hein, on n'a pas de grosse confrontation entre les 6-7 premiers, hein, donc il y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur. Il y a Dortmund Fribourg, mais il y a quand même 21 points d'écart entre les deux. Fribourg qui est 7e, qui a 9 points du Bayern, alors c'est peut-être leur dernière chance, mais j'y crois plus trop quand même. Mais sinon, non, il n'y a pas grand match à se mettre sous la dent ce week-end. Les directs, alors ça, c'est la mi-temps en Ligue 2 et en Italie. En Italie, voilà. Ouais. 1-0 pour la FIO à Lecce. Et puis Laval aussi mène 1-0 à Dunkerque. Et puis en Angleterre, 0-0 toujours Crystal Palace, West Ham. L'Italie maintenant avec la 33e journée. Très peu de modifications au classement, on va le voir, une seule... Seul changement, c'est la deuxième place qui a été récupérée par le Milan, puisque l'Inter s'est imposé 3-0. Ça, c'était en ouverture de la journée vendredi soir. 3-0, voilà, qui a été globalement quand même bien plus dangereux que son adversaire Cagliari, hein, une équipe qui joue le maintien, voilà, qui n'a que 4 points. 6 points pardon d'avance sur Lecce qui est premier relégable, donc qui est vraiment pas sauvé. Voilà, globalement, ouais, l'Inter qui a été quand même beaucoup plus dangereux, hein. Un seul tir cadré côté Cagliari, donc voilà, c'était difficile de faire mieux. 5 tirs cadrés pour l'Inter, donc il est assez efficace, 3 buts au bout du compte. Ça s'est joué surtout en deuxième période ce match, hein. Retour des vestiaires avec Marcus Thuram d'abord qui va ouvrir le score à 52e. Marcus Thuram qui marque des points pour l'équipe de France, hein, parce qu'on sait avec la blessure de Kitike, il y a une place à prendre. Bah, Marcus Thuram pourrait aller, être l'un de ces hommes. Je sais pas, est-ce que tu en penses toi sur cette. Ouais, mais encore une fois, le débat est le même. Enfin, si tant est qu'il y a un débat, c'est que encore une fois, en équipe de France, il joue pas à deux attaquants hein, devant. Donc, ouais. On sait que Thuram, c'est dans ce dispositif-là où il est bon. Que ce soit là avec le jeune Pio Esposito, comme ça a été beaucoup le cas avec Lautaro Martinez d'habitude en tout cas. Mais donc oui, ça c'est pas nouveau qu'il est quand même performant avec l'Inter relativement souvent. Mais en équipe de France, c'est pas le type de jeu. C'est plus compliqué, mais parce que oui, le dispositif et tactiquement, c'est pas du tout ce qu'on lui demande et la même façon de jouer. Donc pour moi, tant que c'est comme ça, je vois pas comment l'équipe de France pourrait jouer dans ce même dispositif qu'à l'Inter. Thuram n'arrivera pas à s'imposer en équipe de France. Donc certes il y a une place, oui, forcément, avec la malheureuse blessure de Kitike, mais moi c'est compliqué pour qu'il performe vraiment bien en équipe de France si ce n'est pas dans un dispositif comme ça, quoi. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de cette blessure de Kitike tout à l'heure, mais évidemment très triste ce coup du soir pour le Français qui méritait d'aller en Coupe du Monde, mais malheureusement ça arrive régulièrement des grandes compétitions, des blessures, et là c'est le cas pour qu'on verra pas avant. Dans un moment il enchaînait quand même pas mal et il commençait mine de rien à vraiment s'imposer presque comme titulaire important, en tout cas peut-être pas indiscutable non plus, mais en tout cas très important, et malheureusement si j'ose dire, fauché en pleine dynamique, en espérant qu'il revienne quand même bien le plus vite possible. Alors on le sait, donc ça sera pas possible pour la Coupe du Monde, mais en espérant que ça n'influe en rien sur sa qualité de joueur et son potentiel pour la saison prochaine aussi. Ouais. L'Inter Sud qui va récidiver un 4 minutes plus tard, c'est Barella pour le 2-0, et puis en fin de match pour clôturer ce succès, Zielinski qui va marquer ce troisième but. Donc voilà, une victoire somme toute assez logique de l'Inter, qui conforte sa place de leader avec 12 points d'avance sur le Milan, donc qui pourrait être dans quelques journées, hein, qui pourrait être titré, hein, pas la semaine prochaine mais peut-être la suivante. Donc voilà, c'est pour le moment assez logique. Match important, c'était samedi avec le Napoli qui recevait la Lazio. Surtout pour le Napoli, hein, pour la Lazio, voilà, ça va être trop loin pour aller chercher quelque chose. Bien entendu, Naples, c'était important ce match pour rester sur le podium. Enfin, en tout cas, il reste sur le podium, mais pour rester deuxième, il fallait un succès. C'est raté pour le Napoli qui perd 2-0, qui a été vraiment piégé par une Lazio. Donc, qui a pas vraiment fait un match convaincant cette équipe de Naples, donc qui perd vraiment 3 points très très précieux en tête, qui a eu plus le ballon mais qui a été très inefficace, hein, autre qu'un tir cadré, hein, alors que la Lazio a cadré la moitié de ses frappes, hein, 14 frappes, 7 cadrés. Donc forcément, quand on cadre pas, on peut pas marquer pour le Napoli, seulement 12 tirs et donc pas de tir cadré, donc forcément c'est pas possible de marquer. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne partie jouée par le Napoli, qui voilà cède sa deuxième place aux dépens du Milan AC, dont on va parler dans un instant. Mais voilà, il va falloir se reprendre un peu pour Napoli, ils ont encore de la marge, mais voilà, attention quand même de pas perdre trop de points en route. Et Naples qui devrait enregistrer d'ici 2 semaines à peu près le retour de Romelu Lukaku. Oui, exactement. Il est tombé là il y a quelques temps, quelques heures, quelques minutes. Quelques secondes. Ah, c'est pas tombé encore, là pas la fois encore. C'est vrai qu'il est en conflit le club et le joueur. C'est vrai. Par rapport au fait que depuis la trêve, enfin après la trêve, ils sont parvenus à temps au club parce qu'ils soignent, enfin du coup ils sont mis d'accord pour qu'il continue finalement de soigner sa blessure. Je sais plus, à la hanche, je crois, en Belgique. Et là il y a eu un accord sur les deux, avec les deux parties pour qu'ils finissent pendant 2 semaines à peu près de se soigner bien en Belgique pour être en pleine possession de ses capacités dans 2 semaines et revenir avec le Napoli. C'est vrai qu'on parlait potentiellement d'un départ il y a quelques semaines encore, donc quelques jours. Finalement, là, ça a l'air de s'être apaisé, donc ça peut être une bonne chose, surtout que la stabilité côté Lukaku dans sa carrière, malheureusement, parce que c'est quand même un super attaquant, ça n'a jamais été quelqu'un de très stable, donc voilà, s'il pouvait s'installer un peu plus durablement dans un club, à son âge aussi, c'est peut-être important, et pour Naples aussi. Donc la Lazio, donc ça pose 2-0, voilà, qui reste 9e. Donc voilà, pour la Lazio, il y a plus grand chose à jouer, hein. 6e place est à 11 points, donc ça semble quand même assez loin. La Roma qui là aussi, c'était un match assez important entre la Roma et Bergame, à la lutte pour la 6e place, hein, qui on rappelle la dernière actuellement qualificative pour une compétition européenne. Donc match très important. 4 points séparés, deux équipes avant ce match. Bah, il y en a toujours 4 parce qu'il y a eu ce match nul entre la Roma et Bergame. Donc ça arrange vraiment personne. Un peu plus la Roma, hein, qui conserve ses 4 points d'avance. Mais Bergame qui manque l'occasion de faire un gros coup. Qui avait pourtant été entreprenant le premier en marquant assez vite de la 12e minute. C'est l'œuvre de Krstović qui va donc ouvrir la marque pour Bergame, et voilà, derrière qui a été dominé, hein, vraiment sur l'ensemble de la partie. Donc la l'égalisation avant la pause, elle est vraiment logique. Hermoso qui va permettre à la Roma de revenir dans cette partie. Puis voilà, pas beaucoup de choses en deuxième période. Un poteau quand même touché par la Roma qui aurait pu arracher ce succès. Mais voilà, deux tirs cadrés seulement côté Bergame, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Donc Bergame qui s'en sort assez bien quand même dans cette rencontre. Mais voilà, la Roma qui aurait pu définitivement rester accroché à sa 6e place et voire même un peu plus. Donc voilà, c'est un match qui va plutôt arranger la Roma malgré tout, qui conserve donc ses 4 points d'avance sur Bergame. Et puis enfin les matchs d'hier avec le Milan, qui pouvait profiter de la défaite, on l'a dit samedi, de Naples pour reprendre la deuxième place. Bah, chose faite pour les Milanais avec un but, c'est Rabiot qui permet au Milan de s'imposer. Un seul petit but, hein, dans ce match qui a été assez fermé quand même, hein, très très peu de tirs, hein, des deux côtés, hein. Voilà, un score qui est assez logique, mais voilà, Milan qui va arracher la décision avec ce but de Rabiot et qui va reprendre cette deuxième place aux dépens de Naples. Alors voilà, il faut être dans les quatre premiers, donc il y a quand même 8 points d'avance, hein, pour ces deux-là sur Com qui est 5e, donc pas d'inquiétude normalement. Mais mine de rien, c'est quand même important de gagner et de repasser de deuxième avant la fin de ce championnat. Et puis la Juve enfin, qui recevait Bologne pour terminer hier avec l'occasion de rester bien quatrième avec un succès. Bah, c'est une chose qui s'est faite. Alors on rappelle aussi que Com avait perdu un vendredi à Sassuolo, donc à Com qui du coup restait à 58 points. Donc la Juve pouvait prendre 5 points d'avance en cas de victoire, donc c'était vraiment un match très très important, histoire de vraiment passer seul quatrième. Donc une chose bien faite pour la Juve, 2-0, c'est la 3e victoire de suite pour Milan, hein, et 7e match en défaite, hein, quand même. Donc ça, c'est une vraie dynamique positive pour la Juve, qui a fait le job très très vite. Ils se sont fait du bien, se sont mis à l'abri avec Jonathan David qui va ouvrir le score très très vite, donc 2e minute. Et puis le deuxième but, c'est l'œuvre de Thuram, qui freine Thuram à l'heure de jeu, donc pour s'assurer ce succès avec un match quand même globalement dominé, hein, pour la Juve qui a été sur tous les compartiments du jeu meilleur, hein, aucun tir cadré côté Bologne. Donc encore une fois, un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, bah on peut faire beaucoup mieux. Donc victoire logique, et surtout pour la Juve ça enchaîne et ça permet de bien s'asseoir cette 4e place avec 5 points d'avance désormais sur Com. Bologne en revanche qui rechute et reste 8e, et voilà, qui est complètement maintenant décroché, hein, de la course aux Coupes d'Europe, puisqu'il y a 10 points de retard, hein, sur la Roma qui est 6e. Donc ce sera forcément un peu compliqué maintenant d'aller chercher quelque chose. Le classement, donc l'Inter avec 78 points est pour l'instant le leader. Le Milan passe deuxième avec 66 points. Voilà, donc 12 points d'avance, et c'est quand même très très confortable pour l'Inter, hein, dans cette fin de championnat. Naples reste 3e, 66 points également. La Juve est désormais 4e, 63 points. Donc pour l'instant, les 4 premiers. Ligue des Champions. Ensuite, Ligue Europa 5e, c'est comme avec 58 points. La Roma 6e, 58 points. Donc voilà, là, il y a vraiment une bataille pour la 5e place. Et puis Bergame 7e en embuscade avec 54 points, qui pourrait se mêler à la bataille pour cette 5e et 6e place. Donc après Bologne, 8e, mais beaucoup trop loin. Donc voilà, ça se dessine vraiment ce top 6 là, mais il y a quand même un ou deux mouvements qui pourraient s'opérer dans cette fin de championnat. La 34e journée qui nous attend. Avant ça, on aura les demi-finales retour de Coupe d'Italie cette semaine. À noter donc pour l'Inter, tout reste à faire face à Comme, 0-0 match aller, donc qui recevra demain pour pourquoi pas aller chercher un doublé cette année, cette saison. Donc il faudra battre Comme pour cela. Et puis ensuite mercredi, on aura le retour de Bergame Lazio. Là aussi, il y avait eu match nul aller deux partout. Donc tout reste à faire dans ces deux matchs pour connaître le l'affiche de cette finale. Et puis donc on le disait, 34e journée qui se profile. Bien entendu, on va cocher ce Milan AC Juventus, hein, c'est un vrai match important, bah, pour bien entendu pour la Coupe d'Europe. Ouais, c'est un pour le podium aussi. Et ouais, surtout pour la Juve, hein, il est très très important ce match pour revenir à égalité avec le Milan, et puis bah distancer un peu plus Comme en cas de mauvais, de faux pas de Comme, qui de son côté eh bien Comme, je sais pas s'il ira au Genoa. Voilà, qui est 13e, qui joue plus rien, donc voilà le ce qui va se passer pour eux. Et puis bah, pour le reste, il n'y a pas de grosses affiches hormis celle-ci. À noter, on l'a pas dit, mais en bas, Lecce pour l'instant est relégable, mais avec Cremonese, ça se joue à très très peu ce match, où d'ailleurs pour l'instant ils sont menés 1-0, on le rappelle, hein. Vérone, Pise, 18, voilà, ça sera forcément très compliqué maintenant pour aller chercher un maintien. C'est la mi-temps aussi en Angleterre entre Palace et West Ham. Voilà donc pour l'Italie, ce classement. On va du côté de l'Espagne désormais, où on était en pause du côté du championnat, puisque on a joué la finale de la Coupe du Roi. Donc avec ce succès donc de la Real Sociedad au tir au but face à Madrid, et bah forcément on a une petite pensée pour Antoine Griezmann qui n'aura pas réussi à remporter ce dernier titre avec l'Atlético. Peut-être qu'il y en aura un plus beau encore pour lui dans quelques semaines, on n'espère pas pour Paris, mais voilà, en tout cas petite déception pour Griezmann qui n'aura pas réussi à accrocher ce dernier trophée avec Madrid. En tout cas, ouais, encore un rendez-vous raté, ouais, dans une finale pour oui, l'Atleti, et puis Griezmann, tu le disais, dans sa dernière saison, c'est vrai que Griezmann, il aura toujours peiné à garnir son palmarès, son armoire à trophées avec l'Atletico, en trophée majeur, hein, bien sûr, hormis, on se rappelle quand même de l'Europa League en 2018. Ça rappelle à certains de mauvais souvenirs, dont moi. Oui. L'Atletico qui s'est fait surprendre, hein, dans ce match très rapidement, au bout d'à peine 20 secondes de jeu, où la Real va ouvrir le score grâce à Barrenechea, puisque Molina, côté Atlético, qui va naïvement se faire lober sur une transversale. Transversale qui va atterrir dans les pieds de Gonzalo Guedes, qui va ensuite centrer sur Barrenechea, qui gagne son duel aérien. Et place une tête pourtant assez molle, un peu en cloche, mais qui va battre quand même Musso, le gardien qui va, pareil, être beaucoup trop immobile, trop ancré dans la terre, et il va pas pouvoir faire grand chose de par son placement. Ça fait donc 1-0 déjà en 20 secondes pour la Real Sociedad. Les Colchoneros qui vont quand même réagir assez rapidement grâce à un excellent service de Grisou pour Lookman, qui va tirer en première intention à l'entrée de surface, un partout à la 18e. Mais l'Atletico qui va être bousculé et trop peu inspiré dans les derniers mètres en cette première période, et qui va se faire punir à la toute fin de celle-ci après s'être déjà fait surprendre justement en tout début de période. Donc là, c'était un pénalty transformé par Oyarzabal côté Sociedad à la 45e. Le gardien madrilène Musso, qui était encore fautif sur la faute amenant le péno, en ratant complètement sa sortie sur un coup franc aérien, et qui a percuté Guedes, encore une fois lui aussi, au niveau de la tête. Voilà, ça fait 2-1 donc pour la Real Sociedad à la pause. Et la seconde période qui va voir l'Atlético maîtriser la possession, mais une nouvelle fois sans être tranchant dans la finition. Ils vont quand même une nouvelle fois revenir au score tardivement, à la 83e, grâce à un superbe enchaînement de Julian Alvarez, bien servi par Thiago Almada à l'entrée de surface côté droit, et Alvarez qui va s'emmener le ballon d'un râteau pied droit pour se le ramener pied gauche et frapper dans la lucarne gauche du gardien. Ça fait 2-2. Et Madrid qui aura même encore 2 occasions franches, hein, de prendre l'ascendant dans cette finale dans les arrêts de jeu. Mais c'est bien la prolongation qui va avoir lieu. Prolongation où les deux équipes seront quand même assez usées, fatiguées physiquement. La Real était même pas loin de craquer en rendant beaucoup de ballons, ou en subissant notamment une barre transversale trouvée une nouvelle fois par ce diable d'Alvarez à la 99e. Et donc la Coupe du Roi qui effectivement va donc se décider ce samedi soir au tir au but, où les deux joyaux offensifs, Sorloth et Alvarez, vont manquer les deux premiers tirs au but pour l'Atlético. Et voilà, je vais pas refaire toute la séance, mais c'est donc la Real Sociedad qui remporte la Coupe du Roi pour la 4e fois de son histoire, après 1909, 1987 et 2020, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc tu le disais, ouais, malheureusement pour l'Atlético et bien sûr pour notre Griezmann national, il y aura plus qu'un autre trophée, tu l'as dit, beaucoup plus beau, beaucoup plus prestigieux à potentiellement se mettre sous la dent, la C1. À aller chercher, pour eux c'est compliqué, on le sait. Mais voilà, surtout que on le disait déjà depuis quelques semaines, et c'est vrai que l'Atlético se ménageait en championnat, puisqu'ils n'ont plus rien à jouer depuis quelques semaines. Ils se ménageaient non seulement pour la C1 bien sûr, hein, et puis la double confrontation contre le Barça, mais aussi ils se ménageaient pour cette finale de Coupe du Roi. Donc cruel sort, cruelle finalité pour les Colchoneros là, dans cette finale. Très bien, le championnat qui reprendra ses droits donc ce week-end. Je le rappelle, avec pour l'instant le Barça 9 points d'avance, hein, c'est pratiquement fait. Le Real sera le premier à jouer vendredi face au Betis Séville en déplacement. Cinquième, là, qui a un vrai enjeu, hein, le Betis Séville, on le rappelle, hein, pour la Ligue des Champions, qui pourrait même être 5 cette année, hein, voilà, ça se jouera dans les prochaines semaines, mais a priori ce sera le cas, hein, pour l'Espagne. Donc le Betis sera en bonne position pour l'instant. Donc la Real Sociedad aussi qui a gagné le droit de se qualifier en Ligue Europa aussi grâce à cette victoire, hein, d'ailleurs. Qui pour l'instant est 7e. Voilà, qui n'ira pas, enfin qui peut encore accrocher même la 5e place, hein. Qui n'a que 4 points de retard sur la 5e place. Donc si la Real Sociedad finit 5e, bah, ça libérerait une autre place encore. Hein. Il y a encore 2 points à prendre dans le championnat d'Espagne, parce qu'il y a quand même encore 7 journées. Oui, mine de rien, il peut se passer encore beaucoup beaucoup de choses. Donc la Real Sociedad, quoi qu'il arrive, même si elle chute, si elle chute plus bas, elle restera en Ligue Europa. Mais si elle arrive à accrocher cette 5e place, bah ça sera même la Ligue des Champions. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Et ça permettrait du coup d'avoir un 7e qualifié en Coupe d'Europe même un 8e qualifié, pardon. Ouais, donc ça pourrait faire beaucoup beaucoup pour l'Espagne. Ensuite, le Barça ira à Retafe, ce sera samedi à 16h15, qui est 8e. Voilà, qui a un vrai truc à jouer, le Retafe, pour l'Europe, hein. Donc même pour la 5e place, c'est encore possible. Donc un vrai enjeu aussi. L'Atlético est en train de relever la tête face à Bilbao, 12e, donc ce sera également samedi soir. Donc tous les gros jouent. Et pourquoi pas de l'enjeu pour Bilbao aussi, hein, parce que finalement ils sont 12e, mais 38 points, ils sont à 3 points de la 8e place. Oui, potentiellement 8e, même à 4 points de... C'est serré, hein, donc il n'y a même pas vraiment de ventre mou dans ce championnat d'Espagne, presque, j'allais dire. Non, c'est vrai. Enfin, si j'ose dire, quoi, il y a de l'enjeu un peu partout, parce qu'il y a tellement des... À partir de Rayo Vallecano, c'est plutôt le maintien, il n'y a que 3 points d'avance. Ouais. Et Bilbao qui a 3 points pour l'Europe. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux pour le coup en Liga pour le moment. Donc c'est assez intéressant. Elche, Levante, Oviedo, personne n'est vraiment décroché non plus pour le maintien. Donc vraiment de l'enjeu jusqu'au bout, hein, dans ce championnat. Et puis on termine avec l'Angleterre, du coup avec la 33e journée qui était très attendue, avec pas mal de matchs importants. On avait un duel entre Chelsea United aussi important pour la Ligue des Champions, hein, pour United qui pouvait rester sur le podium. Pour Chelsea, c'était aussi une opportunité de, voilà, une dernière chance pour revenir, parce que maintenant ils sont quand même bien bien décrochés. Et c'est United qui va être le plus solide dans cette rencontre et qui va arracher ce succès 1-0. Ouais, United au forceps, hein, quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Mateus Cunha à la 43e, mais sur leur seul tir cadré du match, oui, ouais, c'est hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que Chelsea quand même a globalement dominé, a eu le ballon tout au long de ce match, a vraiment tenté presque un peu tout pour essayer de marquer, au moins d'égaliser tout du moins. Mais ils ont été vraiment inefficaces et très très maladroits dans le dernier geste. Ça se voit aussi au niveau justement de ses frappes. Ces 3 tirs cadrés, Chelsea aussi sur tout le match, sur 21 tirs. Donc c'est un ratio qui est beaucoup trop faible. Alors, il y a quand même eu 3 poteaux de toucher, 3 montants à côté de Chelsea, donc c'est vrai qu'il y a... Il y a quand même un peu de malchance. En tout cas, la réussite n'était pas côté des Blues ce week-end, dans ce choc. Mais effectivement, United a quand même aussi été solide défensivement, malgré, je le disais, ces assauts répétés des Blues et ces 3 montants touchés. Mais il y a eu de la solidité dans cette défense mancunienne, qui est quand même à mettre au crédit de cette équipe-là de Michael Carrick. Mais c'est vrai que Chelsea peut s'en mordre les doigts, tu disais, ils ont du retard, hein, sur ce top 5, c'est très compliqué maintenant d'accrocher la Ligue des Champions, c'est presque même effectivement une mission impossible, même s'il reste 5 matchs, tout peut encore être jouable, mais ils ont quand même 7 points de retard sur Liverpool 5e, donc c'est sûr que ça va être très compliqué. Et à commencer par ce genre de match-là, alors certes, c'est United en face, quand même, qui est une équipe qui réalise une bonne saison. Mais c'est là où il faut montrer les crocs, mais c'est là où on voit aussi les limites de Chelsea, où on voit aussi, je disais, le manque de réussite, quoi. Il y a manqué un peu de pas mal d'ingrédients sur ce match-là, et United a aussi eu ce petit rapport de force, peut-être sur toute la saison aussi, dans le moral, dans la confiance, là où United a peut-être un peu plus aussi, oui, de stabilité, où Chelsea on a moins, mais en tout cas, United réalise, la bonne opération pour garder sa troisième place. Devant Villa qui a 58 points également comme United. Exactement, ouais, dans ce championnat de première ligue. Ensuite, on avait, on peut parler d'hier, un petit peu de Aston Villa aussi, hein, qui refait Sunderland. Gros score, hein, 4-3, il y a du spectacle. Pour Aston Villa, c'est évidemment très important aussi ce succès. Pour rester au contact de United et puis garder 10 points d'avance sur Chelsea, hein, qui est 6e, parce qu'on rappelle les 5 premiers sont en Ligue des Champions, donc c'était vraiment très très important de gagner face à cette équipe de Sunderland qui reste 11e, voilà, en embuscade pour là aussi les places européennes, hein. C'est vrai que c'est très très serré aussi en Angleterre pour chercher ces places là donc 4-3 dans les dernières secondes, ça s'est décidé puisque Villa menait largement, et puis qui était rejoint deux fois, donc à 80e, 87e pour égalisation, et puis ensuite c'est Abraham qui va permettre Villa d'arracher ce succès, donc je le disais, très important. Un mot de Liverpool qui était en déplacement à Everton. Là aussi pour Liverpool, c'était important de gagner, hein, puisqu'on le savait, Chelsea avait perdu, il fallait gagner pour se prendre un petit peu d'avance. Ça a été fait par Liverpool, mais très très difficile, hein, de s'imposer. Il a fallu attendre les dernières secondes, mais encore une fois un succès primordial. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été simple pour les Reds dans le derby de Liverpool face à Everton. Everton qui a montré un très beau visage, mais ils font plutôt une bonne saison, hein. Je l'avais déjà souligné ici. Même si là ils redescendent à la 10e place avec ce mauvais résultat, mais c'est vrai qu'ils réalisent une saison cohérente, Everton, dans leur nouveau stade d'ailleurs, là c'est le tout premier derby dans leur nouveau stade, dans leur nouvel antre. C'est d'ailleurs Salah qui a ouvert qui a été le premier marqueur donc dans ce stade dans un derby liverpoolien à 30e. Salah qui ouvre le score, Beto qui a réagi en tout début de seconde période à 54e minute pour l'égalisation côté Everton, et puis c'est Van Dijk en toute fin de match, un 90-10 qui va crucifier les Toffees et emmener les Reds à la victoire dans ce derby-là. Alors c'est vrai que c'est les deux légendes entre guillemets de Liverpool, hein, Salah et Van Dijk qui marquent, et pourtant qui sont un petit peu sur le déclin depuis quelques mois, en tout cas qui sont vraiment en deçà de leur performance et de leur niveau habituel. Et c'est les deux pourtant là qui marquent pour Liverpool. Donc c'est une bonne chose pour les Reds, et je le disais, on le disait en évoquant Chelsea tout à l'heure, hein, ça permet vraiment, si j'ose dire, presque de cadenasser un petit peu ce top 5, cette victoire de Liverpool. Donc c'était franchement très important et primordial pour eux de gagner ce match-là, pour officialiser presque la C1 l'année prochaine. Et Everton, ouais, qui s'englue à 10e place, mais pas du tout, parce que c'est vrai qu'ils n'ont qu'un point de retard finalement par rapport à Chelsea 6e, hein, tout est très serré, hein, dans le championnat aussi, oui, de première ligue pour l'instant. Où le 6e jusqu'au 13e se tiennent à 3 points, donc ça peut encore très vite bouger aussi pour cette course à l'Europe, mais c'est vrai que c'est un peu mal payé quand même pour Everton aussi sur ce match-là, sur l'ensemble de la physionomie. Puis enfin, on attendait ce City-Arsenal pour peut-être tout relancer dans ce championnat, et donc City qui va faire la très belle opération et qui maintenant a toutes les cartes en main pour aller chercher le titre. C'est ce qu'on redoutait depuis, j'allais dire, quelques jours, presque quelques semaines, hein, finalement. Cette mauvaise forme d'Arsenal et cette espèce de tradition qu'il continue presque du coup là de perpétuer, de peut-être pas de s'aborder non plus, mais en tout cas d'avoir cette mauvaise passe qui les fait chuter un peu dans chaque compétition. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On l'avait vu, ils ont perdu déjà contre City il y a quelques semaines. En finale de Coupe de la Ligue, ils se sont fait éliminer de Coupe d'Angleterre. La qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais presque un peu tirée par les cheveux, enfin, en tout cas sans briller. Là, deux défaites d'affilée en championnat, qui plus est contre City, qui maintenant a son destin entre ses mains aussi, parce qu'ils ont un match de retard, on le rappelle, par rapport à Arsenal City. C'est vrai que ça fait beaucoup pour les Gunners. Effectivement, c'est tout ce qu'il fallait pas pour eux. Alors Cherki avait ouvert le score d'un magnifique but, un petit slalom, un petit double contact dans la surface, et il va venir tranquillement ajuster David Raya. Ça fait 1-0 à la 16e. Et puis on parlait d'Arsenal qui perpétue cette tradition, mais on peut dire que Donnarumma perpétue cette tradition de boulette au pied quelques minutes plus tard à la 18e, qui va tarder à relancer au pied, parce que je crois que c'est une touche de je ne sais plus qui c'est qui fait la touche côté City, ça devait être Nunez, je crois, Matos Nunez. Donc on voit une touche en retrait sur Donnarumma. Donnarumma qui, alors c'est pas un cadeau, hein, je suis d'accord, c'est pas un cadeau non plus cette touche, mais Donnarumma qui met trop de temps à contrôler, à ajuster et puis à essayer de dégager le ballon, sauf que entre temps, bah, Kai Havertz avait bien suivi, avait bien senti le coup, vient presser Donnarumma, met son pied en opposition et sur cette opposition là, bah, le ballon va rentrer dans le but, ça fait un partout juste avant la 20e minute. Donc tout est relancé déjà, mais c'est Haaland, hein, après Cherki en seconde période, après l'heure de jeu, qui va venir marquer le deuxième but aussi, hein, qui se remet à être un petit peu la machine à marquer, il se remet un petit peu en ordre de marche, le support norvégien. Mais globalement, si on avait parlé de la physionomie de la rencontre, moi je trouve quand même qu'Arsenal, il y a eu un côté vraiment, vraiment trop craintif, je trouve, sur l'ensemble de ce match, presque un peu submergé par les émotions, on l'a vu, hein, sur notamment en seconde période, où il y a quand même eu pas mal d'accrochages aussi entre Sky Blues, entre Gunners, hein, mais on sentait que c'était l'agressivité, l'émotion venait vraiment côté Gunners. Donc j'irais peut-être pas jusqu'à dire effrayé par l'ampleur de l'événement ou de l'enjeu, mais en tout cas ça peut être très très lourd dans la balance et dans les têtes, ça je l'ai quand même vu, même si j'ai vu de bonnes choses aussi côté Arsenal, hein, notamment offensivement. Aisé, je l'ai trouvé bon. Aisé, franchement, alors il a eu des ratés importants quand même avec ce poteau touché notamment à la 61e, manque de chance, manque de réussite aussi pour lui. Mais Arsenal a été trop timoré, défensivement pareil, un peu trop friable, hein, cette défense quand même des fois. Gabriel et puis Saliba, pourtant Saliba, j'aime beaucoup ce joueur, encore une fois, qui est globalement solide. Et là, dans les têtes, on sent que c'est tout un collectif qui est un peu touché par cette mauvaise passe. Et attention, encore une fois, à ne pas tout perdre, voilà, dans les prochains jours. En tout cas, c'est sûr que celle-là, elle fait très très mal. Mais on a quand même vu un très bon match quand même. City, certes, a plus eu le ballon, a eu plus d'occasions. Mais quand Arsenal accélérait, on le sentait, il y avait eu du répondant aussi. Mais je pense qu'ils ont vraiment été submergés par l'ampleur de l'événement quand même et par l'enjeu. Donc c'est malheureux, parce que je pense qu'on aurait pu voir un plus gros match encore, mais City a peut-être finalement cette graine de champion et qui peut-être les réemmener vers un titre justement en Première Ligue, là où Arsenal peut encore malheureusement chuter. Mais c'est ce qu'on disait, City a pour l'instant a toutes les armes en main. C'est ça. Match en retard qui n'a pas été match retour. Ah non. Match en retard. Match en retard qui n'a pas été encore planifié, hein, face contre à Crystal Palace. Ouais. Ouais. Donc parce que bah forcément Crystal Palace a aussi des enjeux, hein. Bah de toute façon les City joue cette semaine en coupe, donc c'était pas possible. Et puis là c'est encore la semaine prochaine et la semaine suivante la Conference League. Alors, là il y a une journée cette semaine de Première Ligue. Oui, oui, la coupe, la coupe c'est ce week-end, et donc il pouvait pas jouer ce week-end, il pouvait pas rattraper, et donc Palace a aussi forcément son match de retard, son match de coupe d'Europe à jouer, donc ça sera compliqué de planifier tout ça. Donc oui, en Conference League, c'est ça, pour Palace. Donc voilà, ça sera probablement fin de championnat, entre peut-être la dernière ou avant-dernière journée, hein, probablement ce match, hein, a priori. C'est possible. Ouais. Donc on l'a dit, Arsenal est 70 points, City 67, United Villa 58, Liverpool 55, Chelsea 48, Brentford et Bournemouth aussi 48, hein. Brighton, tu l'as dit, c'est très très serré. Brighton Everton 47, Sunderland 46, Fulham 45, voilà, tout est même 14e Newcastle 42, hein. Ça va jouer jusqu'au bout. D'autant plus qu'il va y avoir beaucoup pour le moment 7 qualifiés, hein, 5 en Ligue des Champions, la 6e place en Ligue Europa et la 7e en Conference League. Mais sachant que City a remporté la Coupe de Ligue, donc ça va libérer forcément une 8e place. Et puis en fonction de ce qui se passera en finale de la Coupe de la Cup, ça pourrait encore libérer une place, hein, parce que on rappelle que pour l'instant, donc ce sera effectivement ce week-end Chelsea face à Leeds. Donc Chelsea a priori quand même devrait se qualifier. Encore que, c'est pas encore tout à fait fait, mais ouais, quoi que c'est même pas fait du tout. Hein. Ils sont pour l'instant dans les 6, mais les autres sont très proches. Donc voilà, Leeds, de son côté, ce serait une bonne opportunité pour eux, hein, de gagner pour aller chercher une Coupe d'Europe. Eux qui sont pas encore tout à fait sauvés. City, donc voilà, ça ce sera forcément un club qui ira en Ligue des Champions. Et puis Southampton, alors on rappelle qu'il y a un peu la surprise qui est en deuxième division. et qui jouera la demi-finale de la Cup. Hein, donc ce sera les matchs ce seront samedi à 16h donc pour les demi-finales. Southampton qui est en deuxième division, qui est en passe de remonter aussi, hein, qui est pas très très loin. Donc voilà les matchs de. C'est un peu le FC Metz d'Angleterre, Southampton. Ouais, c'est ça. Ça s'en va, ça revient. C'est un peu, oui, on les voit souvent, hein, on les voit souvent faire les, ouais, la navette. Donc voilà, ça pourrait forcément ramener des huitièmes, peut-être même neuvième place. Et en championnat. Puis on rappelle que si Crystal Palace remporte la Conference League, ils seront aussi qualifiés pour l'Europa League. Donc ça fait aussi une équipe de plus. Et puis on a aussi, on n'oublie pas qu'on a aussi Forest qui est en demi-finale aussi dans notre compétition. Et donc ils pourraient aussi bénéficier. Donc ils sont pas sauvés. Hein, donc ils pourraient jouer une Coupe d'Europe en étant en deuxième div. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, il va se passer encore beaucoup beaucoup de choses d'ici la fin de saison en Angleterre. Tottenham, un mot de Tottenham très rapidement parce qu'on n'est pas en avance, mais qui a été tenu en échec par Brighton, cruel, hein, et qui menait 2-1 et qui a été rejoint dans la toute dernière seconde par Brighton. Et pour De Zerbi, c'est encore encore manqué cette première victoire avec Tottenham, qui reste donc pour le moment relégable, hein, donc un point de retard sur West Ham, qui joue en ce moment donc pour l'instant 2 puisqu'ils sont en train de faire un match nul, mais si West Ham venait à gagner, ce serait très très compliqué pour Tottenham cette fin de championnat, hein, puisqu'il y a ensuite il resterait donc pas mal de rencontres, mais il y a du lourd, hein, il y aura Aston Villa à jouer, il y aura Chelsea et il y aura Everton, on l'a dit, qui est quand même pas mal. Donc ça va être une fin de championnat qui va être quand même pas simple pour Tottenham. Donc on verra si ça peut se maintenir. Et puis on a un petit passage sur les matchs de ce week-end. Donc tu l'as dit, hein, on aura donc dès demain Brighton Chelsea. Dès mercredi, Burnley, Manchester City et Bournemouth Leeds. Pourquoi? Bah, puisqu'on l'a dit, ces clubs-là jouent en coupe ce week-end. Vendredi, Sunderland Forest. Et puis, samedi et lundi, les derniers matchs. Donc, samedi, on aura notamment Liverpool face à Palace, Arsenal Newcastle. Et lundi, on suivra donc United Brentford. Voilà les matchs de là. Mais peut-être la première victoire de Tottenham, en tout cas. Oui. Il se déplace samedi à Wolverhampton, qui est lanterne rouge et donc déjà relégué. Oui, c'est officiel. Ah, ou alors, Wolverhampton, c'est officiel. Oui, mathématiquement, c'est plié. Ouais. Mais attention quand même. Avec Tottenham, je pense qu'on n'est pas beaucoup de surprises quand même cette saison. Mais en tout cas, là, c'est le match où jamais, tu le disais, pour De Zerbi, pour accrocher cette première victoire. Hein. Oui, c'est pas encore mathématiquement fini pour Wolverhampton, mais parce qu'ils ont marqué 15 points. Et West Ham a 15 points, mais pour l'instant ils sont en train de faire nul. Pour l'instant ils ont 16 points de retard. Donc si ça reste là, Wolverhampton sera officiellement mathématiquement relégué tout à l'heure. Tiens, un tout dernier mot sur l'Angleterre. Un scénario, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça se passe en D5 anglaise. Et on a deux équipes qui vont peut-être, enfin qui vont un des deux montera en D4. Deux équipes qui ont plus de 100 points au classement. Alors, c'est normal. On joue 46 matchs, hein, 46 journées dans ces championnats. Ouais, il y a 24 équipes. Oui, c'est voilà. D'ailleurs, dès la deuxième division, c'est déjà le cas. Deux équipes qui ont plus de 100 points, hein, donc une équipe qui a 107 points et l'autre qui en a 105, et les deux vont se rencontrer ce week-end samedi à 13h30 pour la finale du championnat. C'est la dernière journée, je crois, d'ailleurs. C'est l'ultime journée, ouais. Et donc ils vont se rencontrer, ça a été un scénario fou d'ailleurs, la 45e journée, c'est York City qui était en tête avec 107 points et Rochdale dans les dernières secondes était tenu en échec, donc était à 103, donc c'était fini, et ils ont égalisé dans les dernières secondes, donc ils sont revenus à 105 points, donc 2 points de retard, et donc tout se jouera sur ce dernier match, donc samedi 13h30, le vainqueur. C'est marrant de voir s'il y a pas des fois un diffuseur là qui Moyen de trouver ça, voilà, hein. Un DAZN ou je ne sais quoi, tu vois, qui prend les droits, enfin voilà, sur ce match là tu vois. C'est quand marrant de regarder ça, un match de D5 anglaise, avec une petite finale sur Wii. Parce que même si on le disait, hein, même oui, 46 journées, mais avoir 109 points et c'est fou. Fait, je sais plus c'est combien, c'est quand même énorme, hein, c'est quand même beaucoup. Bah c'est oui, les deux qui dépassent 109, c'est quand même. Les deux, oui, surtout. Ouais. C'est quand même assez incroyable. 100, c'est. Les autres sont à 89, donc ils sont très très loin. Donc oui, c'est assez fou. T'as le résultat du match aller entre les deux ou non? Tu l'as pas sous les yeux? Je l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais te retrouver ça. Parce que là, c'est où? C'est à York ou c'est à Rochdale du coup? Alors là, ça se passe à York de mémoire. Là, cette Oui, c'est ça. Donc les deux qui se rencontreront. Non, sur la pelouse de Rochdale, pardon, non, ça sera à Rochdale. Donc le match aller c'était à York. Donc je sais pas ce qu'a fait le match aller, mais en tout cas c'est assez fou hein, de dire qu'on va y avoir une finale entre ces deux-là hein, dans l'ultime journée. Donc si vous avez l'occasion de regarder, ça peut être intéressant. Ça risque en tout cas d'être spectaculaire. Allez, on poursuit les. Alors, pas d'autres buts. Hein, c'est pas une grosse soirée de direct hein, pour l'instant. Ça va peut-être bouger. On va du côté du national très rapidement, où tout est encore possible hein, pour l'USO vainqueur. Difficilement, mais vainqueur à Aubagne 2-0. Il a fallu s'en mettre à El Koumisti, le meilleur buteur de la saison pour l'USO, avec deux pénaltys, 80e minute et 92e minute. Voilà, donc et ça permet de croire toujours à la montée. Dans le même temps, on a Rouen qui a été tenu en échec à Concarneau, qui chute à la 4e place. C'est Fleury qui en profite avec sa victoire face à Valenciennes. Versailles aussi qui fait une bonne opération en gagnant face à Châteauroux 4-0. Et c'est Le Puy qui perd beaucoup en faisant un nul. Donc voilà, on a Dijon 56. Voilà, c'est fait. Hein. Sochaux 53 qui est en bonne position. 48 Fleury, 48 Rouen, 5e Orléans 47. Versailles 6e 47. Voilà, donc quatre clubs pour une place, même si le Puy à 45 peut encore espérer. Mais voilà, c'est tout encore jouable. Quatre journées, quatre finales. Donc l'USO d'abord reçoit Quevilly-Rouen. C'est vendredi à 19h30 face à une équipe qui est 14e qui joue le maintien. Donc ce sera pas facile non plus. Mais première des deux finales, des quatre finales, ce sera face à Quevilly. Alors forcément, on aura un œil sur ce qui se passera entre les autres pelouses. En espérant un faux pas hein, de Fleury, de Rouen qui sont à un point devant. Donc tout est encore possible hein, vraiment dans cette notion nationale. Tiens aussi un club premier promu de National 2, c'est Thionville qui est premier promu en Ligue 3. On rappelle à l'année prochaine la Ligue 3. Et donc c'est Thionville. Très fort hein, Thionville. C'est oui, très très fort. Hein. Franchement, qui a fait une grosse saison, une premier promu. Et la Ligue 3, on rappelle, qui sera diffusée sur Ligue 1 Plus aussi. Hein. D'ailleurs, la Fédé qui lâche les droits pour dépendre de Ligue 1 Plus. La Ligue 2, ça se précise aussi. Hein, 3 qui a fait une belle bonne opération en battant Boulogne-sur-Mer 1-0. Donc il reste 4 points devant. Saint-Étienne qui a perdu 3 points précieux à Bastia, mais qui reste deuxième. Le Mans qui reste troisième au dépend de Clermont 1-0. Et puis ensuite, donc là, ces trois premiers quand même bien installés. Reims, Red Star, Rodez, 4, 5 et 6 sont. Voilà, il y en aura deux qui se qualifieront pour les playoffs. Là, il y en a un qui restera sur le carreau, Montpellier, qui est encore en embuscade, mais ça va être quand même assez compliqué puisqu'il reste que trois journées en Ligue 2, donc ça semble quand même plus compliqué. Et on termine avec la Ligue 1. Allez, on a 10 minutes pour évoquer cette Ligue 1. Avec d'abord vendredi, c'est Lens qui recevait Toulouse, Lens qui n'avait pas joué hein, depuis un petit peu parce qu'ils avaient leur match reporté hein, face à Paris, donc voilà, il fallait se remobiliser face à une équipe de Toulouse qui joue plus grand chose hein, forcément, donc jamais facile à jouer, et Lens va s'en sortir dans ce match alors qu'ils étaient menés 2-0, mais encore une force de caractère des Lensois qui voilà, reste toujours au contact de Paris plus que jamais, on le verra avec la défaite des Parisiens hier soir. Ouais, vraiment eu deux actes, hein, tu le disais, avec ce 2-0 déjà très tôt pour le TEF, hein, dès la 13e minute, 2-0. Puis il y a aussi ce fait de jeu, ce carton rouge hein, de Yang Bo côté Toulouse, justement à la 17e hein, seulement, où Toulouse est réduit à 10. Ça à partir à peu près de ce moment-là quand même qu'ils vont commencer à subir, mais c'est vraiment dans le deuxième acte où il lance vraiment le coup de mais la deuxième, quoi, vraiment, et va marquer ses trois buts. Alors il va quand même falloir attendre l'heure de jeu, hein, 61e, et le but d'Abdoulhamid pour réduire le score. Quelques minutes plus tard, c'est Thomasson qui égalise. Et puis, en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, c'est Gagnon qui va marquer le troisième but. Après une déferlante hein, durant toute la seconde période d'offensive lensoise. Voilà, avec vraiment une surdomination à 11 contre 10. Avec une possession à 78%. 41 tirs tentés quand même. Hein, pour Lens, c'est rare. Incroyable. C'est très rare, oui. C'est très rare. 13 cadrés seulement, hein, mine de rien, sur ces 41. Quand même un peu tout touché sur ce match-là pour Lens, mais effectivement, alors encore une fois, ce fait juste carton rouge assez tôt dans le match a forcément joué, mais voilà, Lens aussi, quand ça se met à jouer, c'est fort aussi, ils ont surmonté quand même la tête et surmonté ces deux buts et aller chercher la victoire, et ils sont encore plus que jamais quand même, mine de rien, dans la course titre avec, oui, on en parlera dans quelques minutes, la bévue du PSG. Donc non, et forcément, c'est l'opération du week-end pour le RCL. Samedi, en une minute aussi, hein, Lorient-Marseille, cette défaite Marseille qui rechute, hein, du côté de Lorient, une équipe qui a plus grand chose à jouer, hein, maintenant. Donc bah, mauvaise opération des Marseillais, on le verra en plus avec les autres résultats du week-end. Ouais, j'ai encore un peu de mal à comprendre vraiment ce qui se passe dans cette équipe marseillaise, malgré enfin, on pensait que tout s'était un peu près calmé avec les différents départs, avec le nouveau coach, mais pourtant une équipe amorphe, inoffensive, qui propose rien, même les individualités, on a l'impression que c'est assez catastrophique. Greenwood ne fait plus vraiment de différence, en tout cas sur ce match-là, on n'a rien vu. Aubameyang aussi, c'est compliqué au milieu de terrain. J'ai vraiment vu un milieu de terrain aussi faible côté marseillais. Abdelli vraiment amène, depuis son arrivée cet hiver, c'est extrêmement compliqué. La défense, j'en parle même pas, Ballardi qui est dépassé sur la plupart des buts. Il n'est pas le seul, mais Pavard aussi est encore toujours en dessous. Comment? Pavarotti. Pourquoi du coup? Je connais Pavarotti, ah c'est tout. Ah parce que j'ai dit Pavarotti. Oui voilà. C'était juste un jeu de mots, mais c'est pas grave. J'avais pas fait gaffe, j'ai dit ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Mais donc voilà, cette défense marseillaise qui est toujours aux abois, contrairement à Lorient qui joue effectivement depuis qu'ils sont officiellement maintenus, hein, bien sûr, mais qui jouent libérément et qu'on fait le match qu'il fallait avec un Bamba Dieng qui est toujours aussi impressionnant. C'est pas parce qu'il a marqué encore hier, mais moi j'ai jamais vraiment compris pourquoi Marseille ne l'a pas retenu, parce que c'est vrai qu'il était toujours très intéressant avec le maillot marseillais. Et puis ce but de Cáceres aussi, ça va être meilleur de jeu. Il a fait un grand match aussi, Cáceres. Donc voilà, félicitations à Lorient qui a fait son match, hein, vraiment. Et Marseille qui est encore une fois fantomatique et plus que jamais au fond du trou, parce que là maintenant, effectivement, avec les rivaux au classement qui ont fait le job, Marseille plonge à la 6e place, quoi. Et oui, c'est ça, ça va très vite. Rapidement, samedi en fin de journée, on avait Angers-Le Havre, un match pour le maintien, on peut le dire quand même. Pas de vainqueur, mais c'est plutôt Angers qui fait une bonne opération, qui garde 4 points d'avance sur son adversaire du soir. Avec une ouverture très rapide, hein, du Havre avec Boufal, qui va venir marquer assez rapidement. Très rapidement aussi, il y a l'égalisation qui intervient à la deuxième. Égalisation de Lecce, justement. Égalisation de Lecce, un partout sur corner. 71e minute, ça fait un partout entre Lecce et la Fio. Lecce qui commençait vraiment encore à pousser en grande période, et ça a enfin récompensé, hein, cette domination, j'aimerais dire, de Lecce. Ça fait un partout, 71e minute. Important ce but, ouais. Donc on l'a dit, à demi-heure de jeu, l'enjeu qui va revenir au score, égalisation. Et puis bah pas grand chose en tout cas à se mettre sous la dent en seconde période, avec une expulsion dans le dernier quart d'heure de Sanganté. Et voilà, pas de vainqueur dans ce duel, en tout cas Le Havre qui conserve en tout cas ce point du nul avec en ayant fini à 10. Donc ouais, ils sont quand même plutôt à l'abri. Angers est plutôt tranquille. Le Havre, attention, ça pourrait aller, mais attention, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller, Angers, il n'y a qu'à 5 points. Donc voilà, c'est en tout cas un résultat qui arrange plutôt Angers. On avait ensuite pour terminer donc samedi Lille-Nice. Pas de vainqueur là aussi, Lille qui va pas faire un très très gros match face à une équipe de Nice pourtant plus faible, hein, mais qui a aussi un enjeu du maintien plus que jamais. Lille, voilà, qui manque l'occasion vraiment de faire un beau coup ce week-end et de rester troisième. Voilà. Donc c'est un peu deux équipes en forme en ce moment, quoi. Oui. Et tu disais, Nice qui a été pour le coup quand même solide défensivement, et c'est quand même à souligner parce que cette saison c'était très rare, hein, de voir, ouais, Nice costaud et compact dans un bloc sur le bloc défensif, donc c'est à souligner, ouais, pour les Niçois. Bah, Lille qui a quand même dominé globalement, mais pas assez précis, un poteau touché, mais voilà, trop peu de tirs, 9 tirs c'est beaucoup trop peu, hein, de cadrer. Ouais, trop peu d'occasions créées. Forcément, sûr, c'était difficile de marquer, donc Lille qui fait pas une bonne opération. Nice qui prend un point peut-être assez précieux face à un adversaire où peut-être qu'il pensait ne pas prendre de points, ce serait quand même un point qui pourra compter. Hier, on avait Monaco Monaco Auxerre, Monaco qui pouvait après sa victoire sur Marseille, mais surtout sur après défaite au Paris FC, se relever, hein, relever la tête et voilà, et profiter de bénéficier de la défaite de Marseille pour rester, et puis de la du nul de Lille, hein, pour revenir. Et bah c'est l'occasion manquée, c'est Auxerre qui fait un bien meilleur début de match, hein, 11e minute ouverture du score, c'est danois Tsinayoko qui va marquer le deuxième but à la demi-heure, et puis Monaco, voilà, qui a fait vraiment une très très mauvaise première période, heureusement qu'il va revenir dans le début de seconde période, très vite, en 3 minutes, Fatih, qui avait été préféré à Golovin en titulaire, hein, Golovin un petit peu physiquement dans le dur, donc voilà, qui a été il a été préféré aux Russes, donc Fatih, ça a été plutôt bénéfique, puisqu'il a marqué à la 56e, puis Balogun, une nouvelle fois, 7e match où il marque au moins une fois, donc voilà, qui est vraiment l'homme en forme de Monaco. C'est un penalty cette fois-ci, lors de jeu, donc 3 minutes plus tard. Donc il va sauver les meubles, hein, Auxerre qui aura fait le dos rond en fin de match, qui aura été costaud défensivement pour garder ce point du nul là aussi qui va compter forcément pour Monaco. Bah voilà, c'est presque un nul inespéré au vu du début de match, donc ça arrange pas vraiment Monaco, mais qui reste quand même au contact du podium et de l'Europe en tout cas. Donc en fait ça laisse beaucoup de suspense, hein, encore une fois, c'est le résultat de Marseille, et puis c'est nul de Monaco et de Lille, ça se tient en 4 points entre la 3e et la 6e place. Ah ouais. Entre Lyon, Lille, Rennes, Marseille, Monaco, il y a énormément d'enjeux sur les 4 derniers matchs qui restent. Ouais, les calendriers vont être importants. Ouais. Il y aura un Lille-Monaco qui promet aussi très prochainement. Il y a Strasbourg aussi, Strasbourg qui est pas loin, donc ça va être des matchs importants. Rennes justement, bah, qui aussi dans cette course, qui se déplace à Strasbourg, qui pouvait rester dans la course, mais est peut-être définitivement écarté, cette équipe de Strasbourg, avec un carton de Rennes 3-0, avec une nouvelle fois Esteban Le Bol buteur, hein, qui continue de cartonner. Mbolo aussi qui a marqué pas mal de fois cette saison avec Rennes, hein, qui fait une bonne arrivée avec le club rennais, donc voilà, Rennes qui fait vraiment le grand coup de ce week-end. Bon, il y a rien à dire, hein, 26 tirs à 9 et un seul tir cadré pour Strasbourg, donc 9 pour Rennes, c'est pas si mal, donc c'est quand même un tiers de ses buts de ce tir cadré marqué, donc c'est vraiment très très mérité cette victoire. Strasbourg a beaucoup fait tourner, hein, sur ce match-là, énormément. Hein. Ouais. Une équipe vraiment vraiment remaniée. Ouais, c'est pour le coup, ils ont pas forcément joué le coup à fond, mais voilà, très très luxe cette victoire rennaise, hein, encore une fois, qui fait un grand coup. Et puis on le disait, Strasbourg qui a fait tourner, forcément il y a la Coupe de France, donc ça peut l'expliquer sur son turnover, mais forcément ça les écarte un petit peu de la course à l'Europe. Nantes-Brest, c'était un match important pour Nantes, surtout pour Brest. Bah, il y a plus trop grand chose à jouer, hein. Le maintien, il est pratiquement fait. L'Europe est trop loin, donc voilà, il y a pas grand chose à faire pour Brest. Nantes, qui croyait tenir le succès très important, surtout avec le nul d'Auxerre, pour revenir à 3 points, mais ils ont été rejoints dans les toutes dernières secondes, hein, après une expulsion d'ailleurs de Tabibou à l'heure de jeu. Ils ont eu du mal à tenir, ils n'ont pas pu tenir jusqu'au bout à la 96e. Voilà, ça a été les minutes de trop du temps additionnel pour les Nantais, qui vont être rejoints, et alors qu'ils avaient ouvert le score très très tôt, hein, 9e par Mohamed. Mais voilà, c'est 2 points très très précieux laissés en route par Nantes, hein, vraiment dans les dernières secondes. C'est surtout avec le calendrier qui les attend, hein, le match en retard déjà contre le PSG mercredi. C'est ça. Ensuite, ce week-end, c'est déplacement à Rennes, on peut encore jouer l'Europe et la LDC en tant que telle. Après, ce sera réception de Marseille. Ouais. Pareil, c'est match capital. Après, ce sera déplacement à Lens. Ouais, c'est fou là. Alors, selon, on ne sait pas où on en sera dans la course au titre. En tout cas, ils auront. Ouais. Oui, le titre. Oui, c'est toujours le titre, parce que pour la Coupe d'Europe, ce sera bon pour Lens. Oui, c'est fait. Lens, y a pas de souci. Mais voilà. À l'avant-dernière journée, on ne sait pas où on en sera. Oui, pour le titre. Et il y aura une dernière journée contre Toulouse, qui est logiquement. Mais ce sera pas déjà fini. Ce sera pas déjà fini pour Nantes, peut-être. Et oui. C'est pour ça, voilà. C'est vrai que le calendrier est fou. Ah, il est assez dingue, et c'est pour ça qu'il fallait absolument pas perdre 2 points, et tu l'as dit, c'est 2 points perdus, avec notamment ce carton rouge de Tabibou, là. Qui fait mal. Sûr que ça fait mal, et puis ce but dans les dernières minutes, ouais, ça fait vraiment très mal pour les Canaries, ouais. Alors, on avait Metz aussi qui recevait le Paris FC, là, c'était un match aussi pour le maintien. Pour Metz, c'était voilà, c'était la dernière, peut-être la dernière chance de faire quelque chose. Pour le Paris FC, bah maintenant, voilà, la fin de saison va être plutôt tranquille. Succès plutôt important pour le Paris FC, plutôt logique aussi. Dans cette rencontre, Metz qui aura quand même tenté, hein, voilà, qui a répondu à l'ouverture du score du Paris FC, mais voilà, ils ont été plutôt efficaces, les Parisiens, comme ça avait été le cas face à Monaco d'ailleurs, hein, la semaine passée. Donc 8e match sans défaite pour le Paris FC. Donc voilà, c'est une très très bonne période. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu dans le dur, et là c'est vrai que cette grosse série leur permet de pratiquement se maintenir. Et pour Metz, bah voilà, qui reste dernier, un 18e match en victoire. Ouais, voilà, c'est pratiquement plié maintenant, puisqu'il y a 10 points de retard sur Auxerre et la place de barragiste. Donc autant vous dire que ça va être mission impossible pour les Messins dans cette de fin de championnat, qui les verra jouer Le Havre, Monaco, Lorient et Nice. Voilà, donc pour la fin de championnat de Metz. Et puis ce match là, on l'attendait aussi, Paris-Lyon. Voilà, qu'est-ce que pouvait faire Lyon voilà, avec ces dernières semaines où c'était un petit peu en dents de scie, hein, pas très très régulier, et Paris qui joue cette semaine, est-ce que Lyon pouvait faire une belle opération? Bah oui, c'est le cas, et qui donc passe troisième. Et puis pour Paris, bah tout reste à faire maintenant. Ouais, tout reste à faire. On s'attendait quand même à un meilleur visage du PSG, mine de rien, dans ce choc là de notre Ligue 1. C'est vrai que bah, Lyon a quand même vite pris les devants avec cette ouverture du score d'Hendrick à la 6e et Afonso Moreira à la 18e, hein, qui marque déjà le deuxième but lyonnais, 2-0. Quand Paris, bah, après, oui, il va vraiment gérer, avoir le ballon, se procurer des occasions, mais trop peu d'occasions franches, trop peu d'occasions nettes, et beaucoup de gâchis aussi, encore une fois, dans les derniers mètres, parce qu'il faudra attendre seulement pour avoir la vraie réaction, une vraie réduction du score. Des arrêts de jeu, la 90+4 et Kvaratskhelia qui marque pour le PSG, mais c'est vrai que Lyon a vraiment su dominer le PSG tactiquement. Ils ont su vraiment les rendre stériles devant. Ils ont été très très costauds, Lyon, sur un très bon bloc également. Donc non, c'était très très intéressant d'un point de vue tactique aussi, ce match-là. Est-ce qu'on peut parler d'envie côté PSG? Je sais pas, peut-être aussi. Il y avait des absents de marque, hein. Oui. Beraldo était quand même plutôt en 6 sur ce match-là. Mayulu a commencé titulaire. Zabarni aussi qui a fait son retour dans la défense à la place de Marquinhos. Voilà, il y a eu pas mal de turnover. Ramos qui a commencé bien sûr titulaire. Donc bon, il y avait un petit peu de turnover côté Paris, mais c'est vrai qu'on je m'attendais à une meilleure adversité forcément des Parisiens face aux Lyonnais. Dans la communication, le PSG dit ne pas vouloir, alors, c'est pas le terme, hein, je disais ça de Vincent Compagnie tout à l'heure, mais ils veulent pas fausser la Ligue 1, mais en même temps, c'est un peu ce qu'ils font, et c'est vrai qu'on a du mal à pas comprendre cette politique championnat PSG, quoi. Donc, et tu disais, bah, ça permet à Lens de revenir derrière à un point, donc attention quand même, quoi. Attention quand même, même si je reste assez confiant, assez serein pour le PSG, mais il a commencé par ce match hier, c'est vrai que ça a été assez étonnant. Et puis blessure de Vitinha, bon, a priori c'est pas sérieux, il sera pas présent évidemment ni demain ni ce week-end, mais pour le choc face au Bayern, ça devrait quand même le faire. C'est une blessure qui est pas très sérieuse, hein, pour Vitinha. Et tu l'as dit, demain, mercredi plutôt. Après-demain, mercredi ce match face à Nantes, pour revenir avant le prochain match avec 4 points d'avance sur Lens, mais il faudra le gagner ce match face à Nantes, hein, évidemment. Puis après il y aura le choc face à Lens aussi en fin de saison. Est-ce que ce sera pas trop tard? On verra, on saura bien entendu plus tard. Et le match contre Nantes est avancé à 19h mercredi, sûrement pour pas empiéter sur le Strasbourg-Nice en Coupe de France de 21h. Oui, c'était prévu plus tard. Ouais. Oui, c'était prévu à 21h, oui, effectivement, très logiquement, le match qui a été avancé. Le classement, donc, on a dit, Paris à 63 points, Lens 62, Lyon 54, le 4e Lille 54, Rennes 53, Marseille 52, Monaco 7e 50. Et après, il y a un vrai fossé, hein, 8e Strasbourg 43, qui peut plus espérer grand chose. Ceci dit, il y a un match de retard pour Strasbourg quand même. Donc voilà, pourquoi pas. On a ensuite, oui, ce sera fin mai aussi, hein, le match de Strasbourg, hein. Pour rattraper ce report. Donc c'est vrai que ça a un petit peu faussé, c'est vrai, ce classement. Et puis en bas, donc pour le maintien, on va démarrer avec Le Havre, 14e, 30 points, Nice, 15e, 29 points, Auxerre, 25 points, barragiste, puis Nantes, 20 points, et Metz, 15 points. Voilà pour le classement. Allez, les pronostics très vite, alors que les directs sont pas bougés. Si Laval, qui mène 2-0 face à Dunkerque, c'est le temps additionnel, donc c'est bien engagé pour Laval. Le, alors pas brillant ce week-end encore, hein. 2 points pour Hugo, 3 points pour Alex et 4 points pour moi. C'était quand même pas fou, mais c'était pas évident. Enfin, la défaite de Paris, le match nul de Monaco, la défaite de Marseille. Ouais. C'était pas évident. Allez, on va tenter de faire mieux. 31e journée avec. Et du coup, le PSG Nantes, on avait dit qu'on oui, s'était gardé. Moi, je reste sur Paris, mais si tu veux changer, c'est le moment. Parce que là, du coup, oui, c'est pas un score exact. On fait. On l'avait fait. Un classique. Ah bah, on peut le faire. On peut faire un score exact, oui. Je sais pas. Hein, je vous propose. Hein. Ah, c'est vrai qu'on avait. C'était une journée où on avait fait 3 partout, donc ça peut nous permettre de faire de les partager. Bon, je mets 3-0. Quand allez. Même. Bah, je mets 3-1. Allez. On verra. Bon, surtout, ce sera 2-0 et on va l'avoir. C'est pas probable. Donc, on verra bien. Ok, 3-0, 3-1. Ça fera un petit point bonus de plus, peut-être. Ok, on y va pour la 31e journée. Brest-Lens, c'est le premier match vendredi à 20h45. Brest, 12e, Lens, 2e pour moi, évidemment, Lens. Brest n'a plus rien à jouer. Attention quand ouais. même, Lens joue cette semaine. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais quand même mettre Lens. Ouais. Il faut qu'il joue le coup à fond. 17h, samedi, Lyon-Auxerre. Lyon 3ème, Auxerre 16ème. Ce sera Lyon pour moi. Ouais. 19h, Angers-Paris. Angers 13ème. Paris, évidemment, leader. Moi, Paris pour moi. Est-ce que je fais le fou? C'est peut-être le moment, mais bon, est-ce qu'ils vont faire deux fois de suite un mauvais. Est-ce qu'ils vont faire tourner peut-être ouais. Eh oui. Bah, c'est pour ça. Je mets nul, pardon. C'est vrai, nul. Ok. Ouais, je le tente. Ah, d'accord. Ouais, j'ai peur à la perdre. De toute façon, c'est la dernière ligne droite. C'est vrai. Au pire, quand je suis déjà en train de faire une arsenal au niveau des pronos, je me casse la gueule à la fin, donc il n'y a pas de problème. Toulouse-Monaco, 21h. Monaco, pour moi. Toulouse 11e, Monaco 7e. Je tente Toulouse. Allez. Dimanche, Lorient-Strasbourg. 9e contre 8e. C'est un match qui peut peut-être compter. Moi, je vais mettre nul. Tiens, je sais pas comment mettre là-dessus. Ouais, j'allais mettre nul aussi. Strasbourg joue cette semaine aussi. Hein. Ouais. Rennes-Nantes, ensuite, dimanche 17h15. Rennes pour moi. Hein. Ouais, pareil. Le Havre-Metz. Bah, faut mettre Le Havre aussi. Moi, je sais pas trop comment mettre là-dessus. Je vais mettre Le Havre. Mais c'est quasiment. Ouais, pareil aussi. Ouais. Ensuite, on a Paris FC Lille. Paris FC qui est sur une bonne dynamique, hein, mais je vais quand même mettre Lille. Mais ils sont quand même pas mal ensemble. Je tente le nul, moi. J'ai hésité, ouais. C'est pas idiot. Et enfin, Marseille-Nice. 20h45. Moi, je mets 3 pour Marseille. Je vais mettre 3-2 pour l'OM. Ah, allez. Très bien. Bon, bah, c'est noté. On verra tout ça la semaine prochaine. Oui, on n'en a pas parlé. Enfin, si, on a un peu parlé, évidemment, tout au long de l'émission. Mais demi-finale de Coupe de France. Donc, cette semaine, c'est la façon de la Coupe partout, hein, pratiquement. Donc, d'abord, demain, Lens, Toulouse, 21h10. Strasbourg, Nice, 21h, mercredi. Et je crois que c'est Lens demain sur les antennes de France 2. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ok, bon bah voilà, c'est voilà pour la Coupe de France. Donc un petit alors un partout, ouais, c'est presque fini, hein, en Italie aussi. Un petit agenda de la semaine. Avec donc du foot, on l'a dit, hein, toute la semaine il y a de la coupe. En Angleterre, mais ce week-end. Sinon, Coupe de France, Coupe d'Italie, Coupe d'Allemagne. Et puis, il y a du championnat, pour l'Angleterre cette semaine, mais pour les autres ce week-end. Voilà. Donc, il y a de quoi faire dès demain jusqu'à dimanche. Ensuite, côté rugby, nouvelle journée en championnat, hein, top 14, bien sûr. Tennis, c'est Madrid cette semaine, donc dès mercredi. Voilà, Yannick Sinner sera l'unique du top 2, en tout cas, ce sera le seul, et on aura Zverev aussi. Voilà, ça c'est pour le tennis. Le basket, donc en Elite 2 pour Orlando, il y a deux matchs cette semaine importants. Déplacement La Rochelle demain et réception dimanche de Chalon. 17h dimanche à Comet Arena, donc allez, ici c'est face à la Lanterne Rouge, il y aura peut-être beaucoup de points en tout cas. Bien sûr, la NBA, ça continue, c'est la suite des playoffs toute la semaine. Il y aura pas mal de matchs tout au long de la semaine. Voilà pour le basket. Pour le handball, donc en deuxième division, bien sûr, on rappelle que Saran, jouera un match important sera Sarrebourg. Ce sera vendredi à 20h. Un match très très important pour Saran à domicile. Ce sera au Palais des Sports. Donc super important cette rencontre pour Saran. Et puis je crois qu'on aura un MotoGP, un Grand Prix, ce sera dimanche en Espagne, Grand Prix, alors que ce week-end c'était les 24 heures du Mans Moto, avec Yamaha qui a remporté le titre d'ailleurs. Donc en tout cas, retour à la compétition du MotoGP dimanche pour le Grand Prix d'Espagne à 14h. Voilà, et on aura aussi un rallye, sera le rallye des îles Canaries, pour la première fois au calendrier cette saison du championnat du monde des rallyes. Voilà pour être complet, 22h39, bon, on est quand même en retard, malgré tout. Mais tu vois, on dit qu'on va être bien, puis en fait, non. Il y avait beaucoup de choses quand même, mine de rien. Ouais. Cette semaine. Un tout petit point sur les directs avant de te quitter. C'est fini ou presque en Ligue 2, 2-0, 97e minute de jeu. Donc voilà, Laval, c'est bien parti. D'être chez Fiorentina, c'est pratiquement fini. Ouais, toujours un partout. On arrive à la 90e alors que les Tchèques continuent de pousser. Là, il y a un petit moment de creux pour eux, mais ils ont pas mal poussé très très fort. Et toujours un partout, ouais, on arrive à la 90e minute. Très bien. Et puis en Angleterre, Crystal Palace West Ham. Ah, c'est fini en Ligue 2 à l'instant. Victoire de Laval. Crystal Palace West Ham 0-0. Voilà, toujours de l'enjeu dans ce match. Hein, pour l'instant, personne n'a marqué. Voilà, il reste encore 10 minutes pour faire la différence. Voilà, dans cette rencontre. On se quitte avec ce titre de Christopher Cross, c'est All White. On se quitte là-dessus. Rendez-vous donc lundi prochain, même heure, pour une nouvelle émission. Hugo, merci. Merci, l'ami. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne semaine et portez-vous bien. Ciao, ciao, à lundi. A dança em diálogos, a sublime, esses já fizeram tour no mundo inteiro, e a maior parte para não dizer o currículo todo que eles têm, foi feito com o Arte Instituto. E sim, isso tem-lhes dado um impacto, que eram companhias de dança que estavam a começar, que era até um movimento que nem há uns anos atrás até ninguém arriscava, porque era sempre, as pessoas tentavam trabalhar sempre nos mesmos lugares. E esse, o facto do Arte Instituto os ter impulsionado para fora deu-lhes uma força muito grande, porque mesmo quando iam a candidaturas de fundos e tudo mais, iam já com um currículo que pouca gente tinha em Portugal. Deixa-me perguntar-te outra coisa, que é, eu tenho ideia que quando nós estamos fora de Portugal, especialmente quando são períodos mais prolongados, nós temos a tendência de começar a perder o contacto com o que se passa do país. Como é que tu divides o teu tempo, Estados Unidos, Portugal, Brasil? Como é que fazes para te manter a par do que vai florescendo aqui na cultura o musical? RHI é o meu grande motor, porque eu vou com os programadores e muitas vezes, muitas destas pessoas que eu agora, eu sou eu que proponho às vezes, quando eles não veem, não é? Eu vou ficando a conhecer, uhum, eu vou ficando a saber. As pessoas, mesmo que não participem no showcase, podem ir lá e apresentar o seu trabalho e dizer: olha, eu tenho isso. Gente vem, não com o CV, vão mas. Fazer o networking, exatamente. Sim. Que eu digo sempre: tragam uma pena, me tragam um CD, porque a gente não tem onde ouvir o CD e os programadores não podem ir com os CDs na mala. Pronto, então tragam uma pena, essas coisas, ou um cartão com QR Code. Nós, é isto que nós também falamos nas palestras, nós damos esta formação, que é a palavra que eu gosto, de como atualizar, porque as pessoas às vezes estão a fazer da mesma maneira e o mundo mudou tanto, hoje já não dá para vires com o vinil debaixo do braço e com o CD, é muito bonito, mas ninguém vai sair daqui para os Estados Unidos com uma mala cheia de vinis. É verdade. Estás a ver? Então, é por isso que é tão importante, mesmo nas cidades onde a gente não vê os artistas, eles podem ir lá mostrar o trabalho deles, eles podem participar nos workshops, e é sempre sobre isto, formação, atualização, como fazer. O ano passado fizemos, que foi brutal, tudo sobre a inteligência artificial. Foi dos anos que tivemos mais audiência, porque percebe-se que as pessoas estão sem saber o que fazer, um bocado como se posicionar. E pronto, podíamos fazer este ano outra vez sobre a inteligência artificial, mas o tema que está mais assim em voga, tirando em Torres Novas, que é uma coisa mais virada para a literatura, que a cidade pediu, é a tolerância, cultura e tolerância. Certo. Que é muito preciso neste país, neste momento. Temos de fechar, deixa-me fazer-te uma última pergunta, que é, o que é que continua a mover-te? O que é que falta fazer? O que é que ainda queres fazer? O que é que precisa de ser feito? Quer dentro do Art Institute, quer como missão paralela? Olha, o meu objetivo de vida sempre é ser feliz. Adoro fazer o que eu faço, gosto muito de fazer isto. Mas o que vai ser o Art Institute depende muito mais do que vai ser a vontade e a qualidade dos artistas do que depende de mim. O que eu queria fazer, já fiz, já provei, já mostrei a todas as franjas da sociedade que era possível. Tanto ao Estado português, como aos artistas portugueses, como a parte do turismo, que eu acho sempre que estamos sempre a dar ideias, porque vamos vendo, vamos correndo o mundo inteiro e vamos percebendo como aquilo pode ter força. Não posso ter falado mais durante estes 15 anos da força que o Portugal tem como país, como culturalmente nós podemos ser melhor. Melhorámos, mas ainda há um trabalho em conjunto que ainda temos dificuldade em fazer. Eu acho que ainda podemos ir mais longe, eu quero acreditar que sim, mas o meu trabalho acho que já está feito, ou seja, eu vou continuar a fazer isto, mas isto vai crescer consoante o país também quiser. Muito é bem. Mais do que já a minha parte, que era abrir caminho, já fiz. E já costurei o que havia para costurar. E eu acho que ainda há muito, muito que vais fazer e vai dar o que falar. Ana Ventura Miranda, uma apaixonada pelas artes, pela cultura, uma dinamizadora, a diretora do Art Institute em Nova Iorque. Bom, em Nova Iorque e no mundo todo agora, sim, nesta altura. Sim, nós já estamos há tanto tempo no mundo inteiro, as pessoas sempre centram-nos em Nova Iorque. Mas independentemente de onde eu estou... É como tu és de Torres Vedras, o Art Institute é de Nova Iorque, mas no fundo são de todo o mundo. Sabes como é que eu gosto? Vamos, se quiseres, sim, resumir-nos assim. Sim. Eu digo sempre assim... O meu corpo é português, a minha cabeça é nova-iorquina e a minha alma é carioca. Eu digo sempre isto assim, porque é assim. Esta sou eu. É assim que fechamos este holofote. Obrigado por teres vindo, Ana. Obrigada a vocês. Mais conversas com portugueses a dar cartas pelo mundo no holofote das segundas-feiras na manhã da sua rádio. Ficam guardados e disponíveis para ouvir quando quiser, onde estiver, em RTP Play. Todas as dúvidas. todas as respostas. Na RTP Mundo, visita consular com Marta Kaubeck, Subdiretora-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Visita consular, à segunda-feira, às 10h45 da noite, à terça-feira, às 2h15 da manhã e às 13h15 da tarde. RTP Mundo, todos em português. Parte de Bélgica, Singapura, Luxemburgo e Países Baixos. Vire para França. Atravesse a Alemanha. O seu destino ficará no Reino Unido. Dos cinco cantos do mundo, a vida a partir de vários pontos da Europa. De segunda à sexta-feira, um pouco depois das 10 da manhã. RTP Mundo. Todos em português. Na Austrália, ouça a RTP Mundo em Sydney, através da Portuguese Radio, em 94.0 FM. Vamos então seguir para a Oceania. Neste momento desejamos um bom dia. Boa terça-feira, 21 de fevereiro, para quem nos ouve em Sydney, na Austrália. Nesta hora... Este ponto da Austrália com o céu nublado, 6h48 da manhã, muito cedo. Vamos continuar a ter as nuvens a marcar posição. A meio da tarde o sol já a conseguir rasgar entre nuvens, 20 graus de máxima esperada. Dili, Timor-Leste, céu pouco nublado, cinzento no final da tarde, 28 graus de máxima. Em Panjingo, na Índia, vamos ter um dia em geral de céu limpo e 36 graus de máxima esperada. Terça-feira em Macau, também de céu limpo e 28 graus de máxima esperada. Tiago Bittencourt com uma versão mais que acústica e com orquestra de canção de Angate, uma versão embalada, uma das minhas favoritas. Daqui a pouco temos um novo episódio do Portugalex. Agora aproveitamos juntos este tema. É uma noite para passar, porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos. Tu estás só e eu mais só estou, tu que tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o que tem, nem é o que tem que faz. Vem que amor é o momento em que eu me vou. Companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo do prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem. Já foi encontrada antes de ti por alguém, e eu sou melhor que nada. demos para ligar os portugueses ao cantinho à beira-mar plantado. E também ligar a António Machado e Manuel Marques a um novo episódio do Portugalex, a Bíblia é que copiou Pulp Fiction, e enche chouriços com banhistas na praia. As temperaturas subiram no fim de semana e as televisões foram buscar ao arquivo aquela reportagem com jornalistas a chatear pessoas que foram à praia perguntando-lhes se foram aproveitar o calor ou se se enganaram no caminho para o IKEA. Dizer que a praia está cheia de gente, apesar de estarmos em abril, e vou falar aqui com esta senhora. Então, está a aproveitar este calor antecipado? Pois, tem de ser, não é? Vim com a minha filha Tatiana a ver se apanhamos uma corzinha. Vou então falar com a Tatiana, que tem um biquíni muito giro, da Barbie. É a Barbie Ozempic. Que giro! Então já foste à água? Fá, Nixa, que já é o 12º jornalista que me pergunta isso hoje. Sim, já fui, está fria, sim. E também pus creme protetor, o que é que me vai perguntar a seguir? E gosto mais de bolinha sem creme, e de creme sem bolinha, e de praias sem jornalistas a moer os cornos. Oh, filha, não se fala assim com o senhor jornalista, Tatiana. Porra, não me largam. Já posso ir à minha vida ou não? Bom, e daqui da praia de Carcavelos é tudo por agora. Passo a emissão ao meu colega que está na Caparica a fazer exatamente as mesmas perguntas aos banhistas e a crianças mais colaborantes, espero. Alô, Januário. Cuidado, vem ali o urso. Ai, não, ele foi. Desculpem, era engano. Quando estava a mobilizar tropas para a guerra com o Irão, o secretário da Defesa dos Estados Unidos citou um versículo que julgou ser da Bíblia, mas que foi inventado por Quentin Tarantino para o filme Pulp Fiction. André Ventura, que está sempre distraído na missa, a preparar as respostas que vai dar aos jornalistas que o esperam à porta, já veio ao público em defesa de Pete Hegseth. Mas qual Pulp Fiction? Qual que é? Vocês é que não conhecem a Bíblia, porque são os hereges. Fiquem lá com mais este, a ver se aprendeu alguma coisa. Mateus 6:33. E Jesus disse aos lojistas: pondo um sapo de louça à entrada das vossas lojas e nelas não entrará um único cigano. Tem a certeza que isso é da Bíblia? A bênção de onde? Da Nova Gente, não. Tomem mais um. Cajó 7:89. E São Paulo disse aos coríntios: se houver uma tempestade destruidora e várias pessoas ficarem desalojadas, fazei um vídeo em que apareceis a carregar paletes de garrafa d'água com cara de choro. Pá, agora idem em paz e a Tânia Laranja vos acompanhe. À espera do fim, também nós, deste lado, Lena e Luís Trigacheiro, antes das notícias, em simultâneo com a RTP Antena 1, já daqui a pouco.